Bonjour, bonjour, merci beaucoup d'être ici. C'est un petit peu particulier en fait. Là, vous m'entendez? Ok, ici il est, je vais vous dire l'heure exacte. Il est midi. Ouais, je sais, c'est un petit peu étrange parce qu'en fait, là, au moment où vous m'entendez, il est 17h à Paris. Et ben moi, je suis ailleurs. Alors en fait, je voulais commencer, j'avais une idée, mais là, vous m'entendez, je voulais commencer avec une phrase un peu lourde de sens, du style « Vive l'animation libre !» avec une espèce de voix un petit peu, voilà, je me suis dit, il faut que je dise un truc historique, c'est la première fois que je fais une émission, là, voilà, à Montréal, mais je me suis dit, bah, ça n'a pas tellement bien marché, je ne suis pas très bon pour ce genre de choses. Je suis donc, comme vous pouvez l'imaginer, je suis au pays de Justin Trudeau et de Xavier Dolan pour faire cette émission spéciale Bulle de rêve en public. Il y a plein de choses qui sont en même temps. C'est la première fois dans un aussi loin, à plusieurs milliers de kilomètres. On va avoir, je suis ravi d'être à la Cinémathèque québécoise, qui est la cinémathèque la plus importante pour le cinéma d'animation. Notre pauvre cinémathèque française ne peut pas rivaliser avec ce qu'on peut voir ici. D'autant plus important qu'on est entouré de Norman McLaren, Chuck Jones, plein de grands noms. Alors, si vous ne connaissez pas bien l'animation, ils ne sont pas là pour de vrai, hein, bien évidemment. C'est des photos qui sont là d'un événement important, je vous en parlerai un peu plus, qui a eu lieu à Montréal, encore une fois, grande ville du monde de l'animation. J'ai une chance incroyable puisque j'ai pu aller à l'ONF visiter pour la première fois des studios. J'ai fait des interviews avec Théodore Huchev, Toril Kove, Michel Lemieux, Patrick Bouchard. Enfin, c'était incroyable. Je voudrais remercier, puisque on est au micro, je voudrais remercier Nadine Viau, que je vois là, voilà, qui est en train de prendre des photos. Nadine, c'est la première fois où j'ai l'impression d'être une star, en fait. J'étais pris, elle m'a accompagné partout. Dès que j'avais besoin d'un thé, une bouteille d'eau, elle était là. Enfin, je comprends aussi quand on est réalisateur, ça doit être très agréable d'être une star, parce que vraiment, on s'occupe de nous. J'aimerais remercier Nicolas Turgeon, qui est assistant ici, programmateur, qui m'a aidé à monter ça et qui vous entendrait des petites musiques de temps à autre. Ben, c'est lui qui l'a mis en place. C'est d'autant plus impressionnant pour moi. Vous savez, je vous raconte toujours toute ma vie à ce micro. C'est le but d'avoir mon émission de radio, c'est de vous raconter ma vie. C'est qu'en fait, j'étais ici même, à Concordia, il y a 25 ans, et de me retrouver de nouveau dans cette ville et enregistrer cette émission. Alors, je parle très vite en français. I'm speaking really fast, I'm sorry. Donc, voilà, parce que vous savez, on est dans une ville, hein, évidemment, où il y a les deux anglophones, francophones, et donc... ben voilà, je suis vraiment ravi d'être là. Je vais remercier, juste parce qu'elle vient d'arriver, Julie Roy, parce qu'il faut toujours remercier Julie Roy. C'est un peu comme ça, en fait. Il y a certaines personnes qu'il faut remercier tout le temps. Et donc, je remercie Julie Roy, bien évidemment. Je suis obligé, parce que c'est aussi mon patron, de remercier Marcel Jean. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais je sais qu'il faut que je le fasse, parce qu'il m'embauche des fois. Donc, je remercie Marcel Jean. Je l'ai bien dit. Thank you, Marcel Jean. Et bien sûr, l'homme. Cet homme avec ses lunettes, ses petites frisettes comme ça, et qui, évidemment, vous ne le connaissez pas forcément si vous ne l'avez pas mis Facebook, mais qui ne fait que boire. Et je peux vous dire, je l'ai remarqué, je suis ici, et je peux dire à quel point, en effet, quand il dit à quelle heure qu'on boit, j'ai la réponse maintenant tout le temps. Voilà, c'est un peu la base des choses, donc c'est assez impressionnant. Mais je tiens, j'espère que vous me retrouvez bientôt dans quelques temps là-bas sous d'autres cieux. Voilà, j'arrête ma petite introduction, mais je suis encore une fois ravi et très, très touché d'être ici. Mes deux premiers invités, je vais avoir plein d'invités, c'est assez étonnant. Mes deux premières invités, Amanda Forbis et Wendy Tilby, vous les connaissez normalement si vous aimez l'animation. Elles ont sécurisé leur nom dans le monde de l'animation avec un film qui s'appelle When the Day Breaks, qui est une pure merveille et qui est tout ce que c'est faire l'animation, c'est-à-dire en un temps réduit, nous raconter une histoire de vie, en tout cas, et à un moment donné important. Je vais le faire en anglais, puisqu'elles sont anglophones. Et je ne sais pas trop, selon mon envie, selon, parce que j'ai plein de questions, elles doivent partir, et même là, hop, dans 20-25 minutes, je pense que je ne vais peut-être pas forcément traduire. Je sais que vous allez me détester. Là, je regarde dans le vide parce que je vous ai vous devant mes yeux. Et je sais que vous allez me détester, mais je crois que je ne vais pas traduire. Let's do it without translation, so it will be too long. My first question, first, of course, I told you off mic, but thank you so much for being here on the radio show. It's our pleasure. Really, yeah. Thank you. Song and music are really important. I mean, that's one of the bases, because I was watching again, mm-hmm. of course, strings is about, you know, music is there, and you have the songs in the two others. That's something important in the Absolutely. Creation of the film, yeah. I think for one thing I was thinking yesterday, watching all three films together, was the regret that in Strings, it was back in the old days of the National Film Board, where there was a sound department, and I didn't have the opportunity to work with sound earlier in the production, but for When the Day Breaks and Wildlife, we worked, especially Wildlife, we worked with sound right from the very beginning. So we had quite an elaborate soundtrack, even in addition to music, right from the beginning, because it's, I think for us, it's impossible to edit a film or to create the timing without sound. I mean, it's just, it's integral to the pacing. And it's more. With When the Day Breaks, that was the first time we were able to work with sound simultaneous to picture editing. Did we have a subway sound, or did we have a rumble? We had that, remember, we just had a, yeah. I think it was a subway sound that we were able to put in. We had two tracks of sound, and it actually dictated the editing, because we kept moving the sound, and it kept changing how we felt about the film. You know, that's a huge thing in deciding how you're going to edit a film. I think it actually caused us to put the subway at the beginning of the film, as I recall. It was one of the sort of... Yeah. Because you use it really in a narrative way. It's impressive. It really is part of the film. Yeah, you know, yeah. I was watching that yesterday. Yeah, well, of course. It was interesting because we were able to work on an Avid at the moment that Avid was brought into the film board. But for some reason, they only allowed us to have, I think, two soundtracks. Well, they didn't want us getting ahead of ourselves. They didn't want us thinking we were sound people, you know? Okay. So we just brought in a few effects, and it was almost a constraint that was creative, because this rumbling sound of the subway was one of the ones that, as Amanda was saying, we used. But it represented everything that is not seen, you know, everything behind the walls or under the ground. And so it was this other world. It was very much part of the inspiration. But sound does so much to set the tone, the tone of whatever scene it is, you know, that you put the sound in there and suddenly you understand it in a way that you have not before. So it is absolutely critical to set tone, feel, you know. And it seems a lot of your film are on observation, and especially, of course, Strings, and When Day Breaks. Mm-hmm. How do you observe sound? Because of course we know people in animation draw a lot, do a lot of sketchbook, but it seems to me that you have really a way of telling things only by the sound. No? Well, thank you. I don't know that. Yeah, it's interesting because you don't sketch sound, or you don't. I just form a lot of opinions about sound. We have those opinions ready all the time. Yeah, we're probably frustrated. We would like to create the soundtrack, but not that we. I mean, the expertise of a sound person, of course, is necessary and welcome. But to me, it would be very strange to make a picture track of a film with no sound and then say, here, put some sound on it. Like, to me, that would be so bizarre, because that's giving away half the film. And it's a different kind of filmmaking, but it's just not something that we could do comfortably, because we're very opinionated. So. It's going to be the last question, because Marco de Blois has to leave, and he's making me some really great gesture. Now the last question, it's really strange for me when I watch, and I watch Jan Pinkawa, Glenn Keane, and then you're going to make a film, that's it. the next film is not commanded a film by for Google or thing like that. And it was strange for me, not talking about the film, but that you know, are in the same category or that category doing a film. Well, we'll see. That's not a given. That okay. project's not a given. Okay. But we're looking at it. And you have a new. Yeah. That's not. We have another idea that's not that. Okay. Good. So yes. that's. We're thinking about whether or not we're going to. Do okay. That. Oh, yeah. so that's yeah. so. It's not a. It's a maybe. Okay. It's a maybe. Yeah. And the next one there will be cats. We have to talk about cats. No cats. Like, no. Sorry. No, that's wrong. See, I don't feel obliged to put a woman in a film, but a cat, absolutely. Yeah. Normally it should be. Thank you so much. You're welcome. Thank you. Thank you. Really. Thank you. Thank you. And we'll see you at the Merci page. Okay. Oh, yes, absolutely. Yeah. Yeah. Okay. Thank you so much. Yeah. Okay. Bye bye. Thank you. Merci. Donc, et là, parce qu'on est en direct, mais j'ai quand même vous le dire. Normalement, là, on va recevoir Marco de Blois, mais là, il va avoir une coupure musicale. Attention, vous êtes prêts? Hop, coupure musicale. Vous avez entendu une coupure musicale et j'ai 5 minutes avec Marco de Blois. Content, Marco? Très, très, très content. En ce jour 4, les sommets ont atteint un sommet. C'est un jeu de mots idiot, mais j'avais envie de te faire... T'avais absolument, hein, tu j'avais l'as préparé. J'avais absolument envie, oui. C'est un bonheur. Moi, je t'ai reçu. C'était à Paris. Mm-hmm. Les sommets étaient... Hein? En péril. Ouais, là, ils sont là. Ouais. Écoutez, j'entrerai pas dans les détails, mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu... Bon, à la suite de ton émission, bon, à la suite des discussions que nous avons eues à Montréal, il y a eu un désir très fort exprimé aussi bien par la communauté que par l'institution qu'est la Cinémathèque, de maintenir et de développer les sommets. Et ça a été une édition qu'on a fait assez rapidement, dans un délai plus court que d'habitude, mais c'est une édition exceptionnelle dans la mesure où on a un succès d'assistance réel. J'en suis bien content. Et pour la santé de l'animation à Montréal, pour moi, c'est très, très, très satisfaisant. Je te jure, là, je suis très content cette année. Derrière toi, il y a le fameux tableau avec tous les gens. Tu me fais une drôle de réputation, Alexis. qui donc sont le cocktail du siècle. Hein? Ouais, voilà. Non, mais est-ce que ça, tu disais hier, tu disais à un moment donné, ben, j'aimerais bien un jour, ben, voilà, ouais. Peut-être les sommets, qu'on ait autant de gens que ça. Enfin, voilà. Ouais, ben, cette expo avait comme objectif de mettre en valeur des pièces de la collection de la Cinémathèque. Donc, il s'agit de photos de Bruno Massenet. Tu as décrit brièvement ce que c'était au début. Mais pour moi, le festival idéal, c'est ça. C'est Robert Breer qui rencontre Chuck Jones, qui rencontre Norman McLaren, qui rencontre Pierre Hébert, qui rencontre, Bill Titla. Bon, et pour moi, cet événement-là symbolise la fraternité, la diversité. C'est ce qu'on essaie de créer avec les sommets, là, dans la mesure de nos moyens, mais je pense qu'on y arrive. Il y a eu quelques moments donnés exceptionnels, il y en aura encore d'autres, ouais. Mais notamment, je tiens à pointer l'incroyable classe de maître. Je suis au Québec, il faut que je fasse attention à mon français. Classe de maître. La masterclass. De Patrick Bouchard. Ouais. Ouais, ben, en fait, lorsque j'avais commencé à travailler ce concept avec Patrick, moi, je souhaitais sortir la classe de maître de son canevas habituel, c'est-à-dire quelqu'un qui est devant les gens avec un PowerPoint, qui présente des trucs. Ça dure à peu près 90 minutes. Et donc, on a décidé de faire cette classe de maître dans notre salle d'exposition, Norman McLaren, qui est une vaste salle, très, très vaste. Et j'ai dit à Patrick, on brise l'axe, c'est-à-dire que tu ne seras pas devant des gens, mais tu vas être parmi les gens. Et on voulait théâtraliser la classe de maître, la rendre dramatique. Alors, donc, on a travaillé les éclairages, on a installé des maquettes et des personnages de Patrick Bouchard dans la salle d'exposition. Lorsque, tu as probablement vu la publication que j'ai faite sur Facebook hier, lorsque Patrick a donc animé à partir de son propre corps, parce que le film auquel il travaille actuellement met en scène une poupée qui est en fait la reproduction exacte de son corps. Alors, quand Patrick animait à l'aide d'un couteau en découpant des parties de son corps, j'ai pensé tout de suite à cette toile ultra célèbre de Rembrandt où on voit les médecins autour d'un cadavre, et il y avait quelque chose d'absolument réussi là-dedans. Et donc, je disais à Patrick, il va falloir que les gens se souviennent d'avoir assisté à ça. Et je pense que les gens s'en souviennent encore. Ils vont s'en souvenir longtemps. Ça va même être difficile de refaire une classe de maître qui a un côté exceptionnel comme ça. Je me disais, qu'est-ce qu'on peut faire après? Bon, on peut faire la journée, on peut faire, ouais. Mais là, il y a quelque chose d'assez… Ouais. Ouais. Ben, je te cache pas qu'on a des projets pour l'année prochaine. Alors, tu pourras me réinviter à ton émission et je te dévoilerai des scoops. Ça sera parfait. Des satisfactions, c'est… Avant tout, donc, les gens, ce qui est normal, les gens en salle, et de se dire, OK, on a fait un point, parce qu'il y a eu ce danger à un moment donné. Là, on voit que ça amène du monde. Oui, ça amène du monde. Et, bon, l'animation est un milieu extraordinaire, mais en même temps, c'est un milieu qui vit souvent replié sur lui-même. Bon, les gens se fréquentent dans les festivals, mais c'est toujours à peu près les mêmes gens qui se rencontrent un peu partout sur la planète. Et ce qui est assez paradoxal, parce que Montréal est une ville d'animation, et pas seulement de courts-métrages d'animation, mais de toutes les déclinaisons de l'animation. Et nous, on voulait que l'animation ici ait un rayonnement médiatique et public de façon à provoquer une rencontre du milieu avec le public. Et ça, pour moi, c'est fondamental, c'est important et c'est nécessaire pour la santé de l'animation. On va avoir trois critiques là, qui vont venir débattre. Est-ce que la presse, tu suis bien? Aujourd'hui, parce que nous, en France, on a une véritable problématique de presse qui suppe énormément l'animation. Là, est-ce que toi, tu trouves qu'il y a une bonne couverture? Oui, je dois dire qu'on a une excellente couverture de presse. Et on connaît bien les journalistes, mais chez certains journalistes, il y a réellement une sensibilité à l'égard de l'animation, à défaut d'avoir une connaissance approfondie. On s'entend, là, on parle pas d'universitaire, mais il y a une sensibilité à l'égard de l'animation ici. Et ce qui fait que oui, on trouve de l'espace dans les journaux. J'ai même fait une entrevue à un média très, très populaire avant-hier, qui est TVA Nouvelles, en direct à l'heure du midi. Alors oui, il y a une écoute. Alors rapidement, le premier programme commençait par je ne sais pas comment le prononcer, E-E-E-E-E. I-I-I-I-I. Merci. La différence est vraiment importante. Ouais. Est-ce que... Il y a un point marqué là de se dire, vous allez voir aussi des choses un peu abstraites, un petit peu barrées. C'était une volonté? C'était une volonté. Tu as probablement remarqué que les premiers films des trois programmes de compétition internationale sont réalisés par des Québécois, c'est-à-dire Brendan Blumert, Greg Double et Nicolas Brault. Ce sont trois films expérimentaux et trois films très, très, très singuliers. Et des films qui ont une certaine force esthétique et sonore. Alors oui, c'était délibéré de créer ce choc en début de chaque programme. Est-ce que pour Marco de Blois, l'animation, l'image par image, c'est quand même beaucoup le visuel, pas la technique, mais le visuel? Oui, aussi, oui. Ouais. J'ai remarqué ça dans les étudiants notamment, qu'il peut y avoir une grande force visuelle. Je ne suis pas technicien, moi je ne fais pas des films d'animation, moi je suis cinéphile et critique, alors je regarde... et conservateur, bien évidemment, historien, mais alors je regarde et je considère les films comme un cinéphile, un critique. Dernière question auquel tu ne répondras pas, mais je vais te la dire quand même, je vais te la demander quand même. Ton coup de cœur de la sélection cette année? Je ne répondrai pas. Marco, merci beaucoup d'être venu. C'était rapide, mais je tenais à t'avoir au micro rapidement. Je sais que tu as plein d'autres choses à faire. Ouais. Merci infiniment. Merci infiniment, et puis, Alexis. À très rapidement pour d'autres aventures. À plus. Ok, on continue. Et donc, je ne sais pas si tout le monde est là. Je vais appeler Mathieu Ligoyette, Pierre Chemartin et Hélène Faradji. Merci à trois critiques de venir. Merci infiniment. Bulle de rêve, c'est ça aussi, vous qui nous écoutez sur Radio Libertaire, vous savez que l'idée est d'essayer de montrer, de mettre en place, si possible, des débats critiques aussi, c'est-à-dire d'un seul coup de réfléchir et de se dire, est-ce que l'animation, on en parle, mais comment on peut en parler avec des mots de critique? Et je suis très content parce que Marco m'a dit, tiens, je vais te proposer trois des meilleures critiques qui existent au Québec, et vous allez parler ensemble de cinéma d'animation. Je suis vraiment très content de vous avoir ici. On essaye de faire ça aussi dans mon émission à Paris. Comment vous avez apprécié cette sélection? Hélène, on va commencer. Moi, j'étais vraiment impressionnée par ce que j'ai vu. Je dois dire, j'ai vu les trois programmes de la compétition internationale. J'ai vu le programme Québec-Canada. Et je dois dire que vraiment, pour tous les gens qui peuvent avoir des a priori sur le cinéma d'animation, les sommets, c'est une preuve que c'est un monde en soi. C'est-à-dire que, bon, nous, on est plus habitués à critiquer, évidemment, le cinéma de fiction traditionnelle en prise de vue réelle. Quand on a un film d'animation, en général, c'est un long-métrage, Pixar, DreamWorks. Il y a une hégémonie qui est assez évidente dans le cinéma, disons, distribué commercialement. Mais tout ce qu'on peut voir ici, au sommet de l'animation, c'est une claque. C'est vraiment une claque parce qu'on réalise qu'il y a une fraîcheur, une inventivité, des avenues qui sont explorées, qui sont aussi multiples que vraiment, vraiment intéressantes. Et ce qu'on se dit toujours un peu quand on voit des réunions de courts-métrages comme ça d'animation, c'est comment est-ce qu'on pourrait faire pour qu'ils soient vus le reste du temps? Ouais, Mathieu, je te vois faire... Non, mais je rejoins tout à fait Hélène là-dessus. C'est vrai que dans le milieu de la distribution en général, on a tendance à privilégier strictement les longs-métrages d'animation qui nous proviennent des majors. Puis c'est sûr qu'un festival comme les Sommets, c'est aussi une bonne occasion de se rendre compte que le monde du cinéma d'animation existe surtout à travers les différents matériaux qu'il met en scène, les différentes textures qu'il travaille. Puis ça en fait un cinéma qui est particulièrement intéressant puis qui se distingue du coup de ce qu'on voit dans les salles régulières. Ça en fait un cinéma très riche qui nous rappelle aussi toute la matérialité du médium puis l'importance aussi de bien penser à, bon, quand on fait un film en images de synthèse, on peut raconter peut-être tel ou tel type d'histoire. Un film en pixelation, ça va être, un autre type de narration, un autre type de style ou de rythme. Puis tout ça, que ce soit de la matière ou du rythme, est mis en évidence dans le cinéma d'animation de manière très belle. Puis d'en voir comme ça beaucoup, dans une espèce de blitz de 3-4 jours, c'est vraiment, c'est une claque. Puis c'est un peu un rappel à l'ordre. Pierre, c'est rare ce genre de rencontre. Moi, ça fait 25 ans que je n'étais pas venu à Montréal. Il y avait la Cinémathèque qui montrait quelques petites choses de court-métrage. Moi, à Concordia, on montrait aussi des choses d'animation. Mais j'ai l'impression que les sommets... Il n'y a pas tant que ça, alors que c'est une ville, Montréal est... L'une des villes les plus importantes au monde. C'est une nation. Ouais, le Québec, c'est un pays d'animation. Pour l'animation, c'est étonnant. Et j'ai l'impression qu'il n'y en a pas tant que ça. Pierre? Bah, c'est-à-dire que y a des sommets, des festivals d'animation, des festivals consacrés à l'animation, il y en a un petit peu partout. Le Québec est un petit peu isolé déjà en Amérique du Nord, et c'est un endroit important historiquement pour l'animation, effectivement, à cause de l'ONF. Mais pas qu'à cause de ça aussi, hein. Je pense que c'est une île un petit peu culturelle, donc il y a quelque chose dans l'animation qui permet en fait à ces talents créateurs de dire quelque chose de bien bien particulier. Montréal aussi, même au sein du Québec, c'est un endroit bien particulier, hein, anglophone, francophone, avec une histoire bien particulière. Donc je pense que l'animation est intéressante parce que les gens peuvent s'exprimer plus librement avec l'animation. Évidemment, le cadre de l'ONF est peut-être un petit peu contraignant à certains points de vue, mais on peut quand même dire que les sommets d'animation comme ceux-là ici à Montréal, en fait, permettent de bien voir à quel point, par exemple, l'animation canadienne et québécoise en particulier est très, très, très dynamique, en fait. Ce qui est drôle, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. Nous, on a récupéré cette superstar là, Xavier Dolan, qui est voilà ce Québécois qui est le nom. On nous le vend non seulement comme réalisateur, mais Québécois. Enfin, vraiment, il y a ce côté-là. J'ai pas l'impression qu'il y a la même chose en animation. C'est-à-dire que moi, quand il y a des gens qui viennent, on parlait de Nicolas Bron, on parlait d'autres, ils représentent pas de la même manière. Je sais pas. Est-ce que c'est parce qu'il y a pas de dialogue? Est-ce qu'il y a pas, on les voit pas? Ils représentent pas de la même manière le Québec, on va dire, je trouve. Je pense que c'est parce que c'est du court-métrage. Ouais. La forme du long-métrage, de par le fait que c'est distribué en salle, que ça peut toucher un plus large public, qu'on est capable de créer un discours promotionnel autour de ça assez facilement, ça, évidemment, ça héroïse les gens qui le font. Les gens qui font du court-métrage, on le sait, leur reconnaissance, elle passe par les festivals, elle passe éventuellement de plus en plus par Internet aussi. On sent que dans la communauté, ces gens-là sont extrêmement respectés, reconnus. Quand ils se baladent, je veux dire, Nicolas Bro, par exemple, c'est quelqu'un qui se balade un peu partout dans le monde avec ses films. Mais de là à aller toucher le grand public, c'est plus difficile. Et c'est vraiment un des enjeux du cinéma d'animation aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut faire découvrir tous ces talents-là, parce que c'est vraiment des talents extraordinaires, à un plus large public? Mathieu? Oui, tout à fait. C'est clairement d'abord une question de marché. Ensuite, par rapport à l'identité culturelle, nationale des créateurs, je dirais qu'en ce qui concerne les cinéastes québécois, c'est aussi une question de langue. Dans la mesure où est-ce qu'il y a une grande tradition d'animation au Québec, certes, mais c'est une tradition d'animation qui a souvent été muette. Mmh. Donc, c'est pas nécessairement des films où on va entendre beaucoup de Québécois, beaucoup de joual. Donc, c'est pas des films, ça paraît pas nécessairement qu'ils sont québécois. Parce que le cinéma de Xavier Dolan, il est évidemment associé beaucoup au Québec parce que, ça parle en québécois, ça crie en québécois, ça sacre en québécois. Dans le cinéma d'animation, par exemple, celui de Patrick Bouchard, qui pourrait être québécois ou russe ou n'importe quoi. Hein. Le milieu d'animation, c'est aussi un milieu qui est exempt de starification. Enfin, en tout cas, ça n'atteint pas le grand public. Hein. Ça, c'est, comme tu le disais, Hélène, c'est vraiment quelque chose, un plaisir de happy few, en fait, on a l'impression. Surtout que ce sont des courts-métrages. Donc, effectivement, ça ne peut pas toucher le grand public autant, parce qu'il n'y a pas cet aspect de sexy, quoi, on va dire. Mais c'est vrai ce que tu dis, il n'y a pas ce phénomène de starification. On sent que les gens, par exemple, en festival, sont extrêmement abordables, ce qui n'est pas tout à fait le cas des réalisateurs absolument de longs-métrages. De fiction traditionnelle. Par exemple, un Xavier Dolan, on ne pourrait pas être dans un festival et aller lui serrer la main pour parler 5 minutes avec lui. Les réalisateurs d'animation sont vraiment très facilement abordables et toujours prêts en plus à parler de leur cinéma parce que, évidemment, on leur donne peu la parole. Exactement. Alors, ce que vous entendez, c'est qu'il y a Paddington qui vient de sortir et donc il y a plein d'enfants partout. Ah. Oui, l'animation, c'est aussi pour les enfants. Oui. Ça parle beaucoup des enfants, mais. Voilà, il y en a aussi pour les enfants. On va rentrer dans le vif du sujet. On va regarder juste, est-ce que certains d'entre vous ont vu les longs métrages? Est-ce qu'on peut dire un petit mot sur La Montagne Magique? Alors au moins, oui, qui est juste à côté de moi. Alors la Montagne Magique de Anka Damian était présentée en avant-première. Film extraordinaire. Difficile à décrire parce que c'est une polyphonie d'animation. C'est rare en animation d'avoir des films faits avec différentes techniques. Alors le film est assez intéressant de ce point de vue, c'est-à-dire qu'on passe des marionnettes au dessin animé, au papier découpé, beaucoup de papier découpé, un petit peu de 3D. C'est assez exceptionnel, c'est-à-dire qu'on voit ce genre de choses assez rarement. Par ailleurs, le film est très très impressionnant pour le portrait qu'il dresse de ce monsieur qui s'appelle Adam Winkler, parce que c'est ça. Hein. Donc c'est une sorte de figure un peu cervantesque, hein, Don Quichotte des temps modernes. C'est une histoire vraie. Donc ce Adam Winkler, c'est un dissident politique polonais qui a fui la Pologne dans les années 50 pour arriver en France. Il ne savait pas trop quoi faire, très libertaire, très, très anard. Plus tard, quand Solidarność est arrivé dans les années 80 en Pologne, lui, ça ne l'intéressait pas trop non plus. Hein. Dans le film, il le dit quelque part, la voix qu'il interprète le dit. Moi, je suis le prolétaire de personne. Alors, le film est très, très intéressant pour ça, d'abord. Ensuite, ce type extraordinaire, en fait, a décidé, alors qu'il était apatride, il n'avait même pas de passeport, en fait, plus ou moins fabriqué. Il est parti en Afghanistan dans les années 80, assister les Moudjahidines dans leur combat d'abord contre l'invasion soviétique, la dernière grande guerre coloniale du XXe siècle, et ensuite se battre un petit peu contre les talibans. Et donc, il est revenu de ses combats d'abord très fatigué, et puis ensuite un petit peu déçu. C'est un petit peu un idéaliste déçu. Vraiment un très, très, très beau film. Il y a une chose qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est un film de collaboration. Donc, Anka Damian a travaillé notamment avec Théodore Ouchef, et puis on sent vraiment son empreinte. Hein, c'est extrêmement beau, des peintures flottantes comme ça qui bougent, beaucoup de figures de transformation. On passe d'un personnage à l'autre avec ces traditions un petit peu à la Cole, on va dire, Emile Cole, un petit peu Peter Faldes, comme ça. C'est vraiment très très beau film. Le film sort en décembre en France. On va y arriver. C'est devant cette invasion d'enfants, on va y arriver, il n'y a aucune raison. Allez, commençons avec nos courts-métrages. Je voulais, moi, vous parler de quelques courts-métrages, voir comment vous réagissez par rapport à ces courts-métrages, et je vous demanderai évidemment vos coups de cœur ou vos coups de gueule par rapport à d'autres courts-métrages. Je vais commencer avec un court-métrage qui a énormément marché en France, qui est bien parti pour, on pense beaucoup, avoir le César du meilleur court-métrage d'animation, qui vient d'avoir le prix Émile Reynaud. C'est le repas dominical de Céline Deveau. Qu'est-ce que vous en avez pensé avec un acteur qui est très célèbre en France, qui, je ne sais pas s'il est aussi célèbre Montréal ou Québec, peut-être un petit peu moins. Un petit peu moins. Alors Hélène, le repas dominical. Moi, j'ai trouvé ça vraiment sympathique, très drôle, très amusant. La voix de Vincent Macaigne, évidemment, fait énormément pour le film, on le sent. Mm-hmm. Le dessin a un petit côté un peu punk, comme ça, qui est très rentre-dedans, très chouette. Et puis finalement, on se rend compte qu'on nous parle de choses très graves, très difficiles. L'homosexualité d'un fils qui n'arrive pas vraiment à être assumé par sa famille, mais avec un ton un petit peu provoque, un petit peu subversif, mais surtout très tendre, très drôle, très qui refuse de se plaindre, ce que j'ai beaucoup aimé. On n'est pas du tout dans le misérabilisme, on n'est pas du tout dans une approche social, de films gris, lourds, etc. Pas du tout. Au contraire, on essaye de prendre un vrai problème et d'en faire quelque chose de joyeux et de rentrer dedans. Ça m'a beaucoup plu, ouais. Mathieu, ça a l'air d'être aussi le cas, ouais. Ah, j'ai vraiment adoré. Ce qui est très intéressant, c'est justement, oui, tout ce portrait du jeune homosexuel qui essaie, tant bien que mal, de survivre au repas du dimanche. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, n'étant pas français, c'est la vision que ça donnait aussi des repas de famille et des problématiques sociales qui revenaient le plus souvent. Par exemple, il y a un personnage qui peut parler de génération perdue. Je sais que c'est quelque chose qui circule beaucoup en France. Donc, tout cette espèce de paysage qui existe à l'extérieur, en fait, du souper, puis qui vient, en fait, là, et qui s'infiltre dans le souper par tout ce que le type entend. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant aussi parce que ça rajoute évidemment à son calvaire un peu, puis à la lourdeur de la situation. Donc, oui, en fait, pour tout, c'est un film que j'ai vraiment bien aimé. Moi, pour toutes les raisons que vous avez dites, d'ailleurs, je partage votre opinion, le film est très bien, mais pour toutes les raisons que vous avez dites, je trouve le film un tout petit peu convenu. Formellement d'abord, tout petit peu convenu. Il est beau, hein, mais efficace en tout cas. Il est très efficace. Et moi, j'ai tendance à penser que quand je regarde mes films d'animation, surtout mes courts, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, j'ai surtout quand les films sont drôles, j'essaie de mettre de côté la drôlerie ou la gravité du sujet pour ne m'intéresser qu'à la forme, en fait. Et le film a un côté un petit peu quasi un petit peu superficiel. sous certains aspects, mais je suis très sévère volontairement. Si je vous dis que je trouve que la voix écrase presque un peu trop le visuel. Oui, c'est ça, exactement. Probablement qu'en France encore plus, parce qu'elle est tellement reconnaissable qu'effectivement, on a presque l'impression qu'elle fait le film, qu'elle est le film. Le dessin en lui-même, c'est pas très élaboré ou très abouti. Il est beau, hein, mais... Il est très beau, justement. Mais c'est ça, je trouve qu'il est justement écrasé par... Par cette voix. Exactement. Ça parle moins que ce que la narration dit. C'est un film extrêmement narratif, mais je pense qu'il y a une efficacité quand même qui explique le succès fort, et l'impact que peut avoir ce film-là. Ouais. Allez, on va continuer sur un ou deux films français. C'est rien à voir avec du chauvinisme. Hein. On s'en fout, la bulle de rêve. C'est juste parce qu'en effet, ça m'intéresse d'avoir votre avis d'ailleurs sur des films qui... où sont sortis, où commencent à marcher. Un film comme Café Froid de Lansac et Le Roy, ce film qui se passe au Vietnam. Lansac et Le Roy sont deux réalisateurs, lui vient notamment des Gobelins, et sont deux réalisateurs qui font tous leurs films au Vietnam. Plus ça avance, plus on a des choses assez noires, c'est presque un film de genre. Pierre, pour Café Froid. Je n'ai pas beaucoup aimé le film. Je le trouve magnifique. Mais j'aime l'animation très, très abstraite, hein. C'est plutôt mon genre. Le film est magnifique, très touchant. La finale est superbe. Le film ne m'a pas tellement touché en dehors de ça. Voilà. Pareil, vous êtes resté en dehors, Mathieu, j'ai au contraire pas, j'ai eu de la difficulté en fait à vraiment rentrer dans le film, essentiellement parce que j'ai pas accroché en fait au style de l'animation. Ouais. J'ai trouvé ça un peu désincarné, la manière dont les personnages bougeaient dans l'espace. Il y a quelque chose qui a fait que j'ai eu de la difficulté un peu à y croire. Je dirais l'histoire, tout ça, qu'elle soit touchante, je ne la remets pas en question, c'est vrai. Mais au niveau de l'animation, je préfère les choses qui ont un peu plus de texture. J'ai de la difficulté, en fait, avec les courts-métrages d'animation ou avec l'animation en général qui est faite en images de synthèse. Même si derrière, là, il y a des... Ouais. On est dans de la prise de vue réelle derrière, mais non, c'est pas, ça suffit pas pour... Non, mais j'ai de la difficulté à accrocher à ça, surtout au niveau des personnages, là, les textures de peau, la manière dont les bras bougent, tout ça, je sais pas, je sentais un peu trop le logiciel derrière. Ok. Ah, c'est drôle, moi, Hélène, j'étais assez ébahie par la sophistication du filmage, du dessin, de l'animation. Je trouve que c'est un film... extrêmement délicat, formellement, d'une élégance assez épatante. Ce que j'aime aussi, c'est la progression narrative dans ce film-là, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus dans quelque chose qui est de l'ordre de la folie, de la paranoïa, de la névrose. On plonge dans quelque chose qui est conditionné par la vie réelle que vit cette femme. Effectivement, pour moi aussi, un petit problème de distance. Je suis épatée par la technique, par la maîtrise, par l'assurance de tout ça, mais un petit manque d'émotion. La durée, peut-être, le fait que ça soit pas... On n'ait pas le temps, justement, de rester avec ces personnages. Oui, le film est très elliptique, c'est vrai que ça va vite, mais c'est plutôt un bon côté, moi, je trouve. Hein. Sur le plan narratif, le fait que le film soit très rapide, moi, je trouve que c'était plutôt une bonne chose. Voilà. Peut-être quelque chose au niveau de la technique que j'ai vraiment apprécié du film, c'est le travail de la lumière. J'ai trouvé, si on peut le dire comme ça, la direction photo, là, vraiment exceptionnelle. Alors, on va continuer. Allez, on finit avec les Français, on achève les... Non, je regarde parce que je sais. Est-ce que quelqu'un... Je sais que tout le monde n'a pas forcément vu tous les programmes, mais quelqu'un... Mars Evan, de Virgin Keaton, ce film... assez particulier où elle va retrouver ses origines. Et Virgin Keaton a fait un film incroyable qui s'appelle Je crée, contrôlez-vous pour elle, que je vous conseille, qui est un film extraordinaire, qui est sûrement l'un des plus beaux films français de ces dernières années. Là, on est dans un territoire très très particulier avec une image de synthèse assez surprenante. Tout à l'heure, Hélène, on parlait de Vincent Macken qui parasitait le film Le Repas Dominical. Là, pour moi, c'est la musique qui parasite le film, qui l'empêche de dire ce qu'il a à dire, qui le transforme presque en clip. Oui, c'est-à-dire que les images deviennent un support à la musique au lieu du contraire, finalement. Et du coup, ça m'échappait un peu. Enfin, l'exercice de style est là, c'est très maîtrisé, techniquement impressionnant. Mais c'est ça, la musique devient presque un objet en soi et ça me dérangeait un peu. Ça va être un consensus autour de la table, j'ai tout le monde qui fait oui. Ouais, non, mais en fait, c'est qu'en partant, c'est un film qui se veut une plongée un peu dans la mémoire, dans les souvenirs. Puis moi, dans ma mémoire et mes souvenirs, il n'y a pas tant de musique que ça. Puis c'est surtout pas des images de synthèse comme ça, vraiment, je trouvais vraiment justement très artificielles ou du moins qui mettent. comme c'est un peu le je veux dire, il y a comme un plaisir à mettre en valeur l'artificialité de la méthode, comme par exemple dans ce qui est du travail des paysages, des montagnes, tout ça, c'est un peu trop pixelisé, les textures, il y en a trop peu. Mais, le film a l'air d'être fait en papier découpé. Moi, je l'ai vu que je l'ai pas vu sur grand écran, malheureusement. Alors, je pense que c'est du papier découpé rehaussé au 3D. C'est une bonne question. Je sais pas. Visuellement, le film, je le trouvais bourrifant. C'est l'un des plus beaux de la sélection, c'est clair. Hein. Mais je suis d'accord avec vous. La musique, visuellement, c'est super. La musique étouffe un peu le film, je trouve. C'est souvent un problème avec les courts-métrages d'animation. Français, enfin moi j'ai remarqué hein, ces dernières années, c'est quelque chose qui m'a frappé. La musique parasite souvent le film. C'est comme un bon plat à la carbonara. Ça sert à rien de rajouter de la bolognaise dessus. Voilà. C'est une bonne image. C'est midi, j'ai faim. La faim arrive. Allez, on va passer au star du cinéma québécois, la star du cinéma québécois, même s'il est bulgare, Théodore Huchef, Sonambulo, qui là nous amène dans un style complètement différent de ce que fait Théodore Huchef d'habitude. C'est magnifique. Magnifique, c'est magnifique, ouais. C'est joyeux, c'est du Miro, animé. Oui, c'est moi j'étais prise du début à la fin. C'est baroque, c'est rythmé, c'est une chorégraphie de forme en mouvement. C'est irrésistible. C'est un film irrésistible. Et je disais à Théodore Huchef, moi je disais, il met tellement de choses dans ses films normalement, et je lui disais, mais pour une fois, est-ce que j'ai eu tort? J'avais juste envie de danser en regardant le film, et j'avais pas forcément envie de me dire, oh, qu'est-ce qu'il veut mettre là-dedans, etc. Ben, ce qui est intéressant, c'est qu'habituellement, Huchef nous habitue à des films, certes très abstraits, mais où il y avait énormément de coupures, en fait, entre les différentes formes, entre les différents panoramas qu'il nous montrait. Tandis que dans celui-ci, les formes, en fait, il y a comme une continuité. On est vraiment plus dans la métamorphose, dans quelque chose de figuratif aussi, qui fait qu'il y a un côté un peu, genre, il y a comme dans le meilleur sens du terme, une genre de mollesse dans le dessin. Où est-ce que tout coule, tout est fluide, j'ai vraiment adoré ça, c'est très très beau. Pareil, 3. Rien à dire, le film est tellement, tellement beau, il faudrait le voir en boucle, parce qu'il est exceptionnel, mais je pense que, je veux dire, c'est l'un de mes favoris de la sélection, de très très loin, mais il surpasse. Alors, il a une facture très très ONF là aussi, hein. Je trouve. Alors, c'est quoi une facture ONF? Il y a une cohérence éditoriale, je ne sais pas comment expliquer ça, mais je trouve que c'est des films qui sont bien pensés en amont et qui cherchent un public très très spécifique. Et on sent que c'est des films d'artistes, d'artisans en fait. Donc, très encadrés, mais avec une énorme liberté. Donc, le film, pour ça, il est exceptionnel à tous les niveaux, et je le trouve très très beau, très très homogène, très cohérent, parce que c'est une seule forme d'animation. Enfin, rien à dire. Voilà. Théodore Huchef l'emporte dans son fief montréalais sans problème. Non, mais en plus, tout ça à partir d'une robe qui sèche sur un fil. Exactement, quoi. C'est un truc tout simple, puis ça devient magnifique, ça devient entraînant, joyeux. Ouais. Encore une fois, irrésistible. Claude Cloutier, pareil, grand nom de l'ONF. Oui, alors, avec il faut être gentil parce qu'il est pas loin de nous, et puis je l'ai vu, il a un fusil. Hein, il est là, en effet, il va être au micro juste après vous. Super. Écoutez, moi je suis totalement vendu aussi, mais j'ai peur d'avoir l'air un petit peu chauvin, et c'est absolument pas le cas. Le film est pareil, l'un des meilleurs films de la sélection de très loin. Comme je le disais, moi j'aime beaucoup les fantasmagories graphiques, les films à transformation, à la Emile Cole en fait. Et je trouve que le film pour ça est génial. Alors en plus, le film parle aux cinéphiles que je suis, parce que voilà. Ziegfeld Follies, Bugsby Berkeley, c'est un drôle de mélange en fait. Le film montre des voitures en fait en train de danser au son rythmique des pompes à essence qui sont en train de vider la terre de sa substance. Le film est extraordinairement drôle. Enfin, je veux dire, voilà, très très très, très bon film. La satire comme ça. La satire, c'est drôle, c'est joyeux, c'est politique surtout. C'est un film qui n'a l'air de rien comme ça, mais qui parle de notre monde et de ce qui nous pend au nez si on fait pas gaffe, et qui le fait de façon très simple, très amusante, avec un petit trompe-l'œil en plus à la fin que moi j'aime beaucoup. J'adore les derniers plans qui viennent refaire réfléchir le film dans son entier. C'est là aussi un film extrêmement entraînant et qui, mine de rien, dit des choses très profondes sur notre monde. Alors, est-ce que ça va être un 3 sur 3? Oui, non, ouais. Mais c'est vraiment un film génial qui est très fort aussi, justement, comme Hélène disait, sur tout ce qu'il peut dire sur, par exemple, l'industrialisation, la mécanisation des chaînes de production, tout ça. C'est génial dans la manière aussi d'anthropomorphiser les voitures, puis du coup, de faire quelques pas de reculant par rapport à toute cette situation-là. Ça me faisait beaucoup penser à un film de l'ONF des années 60 dont le cinéaste m'échappe, mais qui s'appelle La Terre est habitée. Oui, je vois. Absolument. C'est un peu comme si des Martiens observaient la planète Terre, puis pensaient en fait que les voitures étaient les habitants de la planète Terre, puis les humains, c'est des petits parasites en fait là, qui habitent les voitures. Mais en tout cas, dans la posture. On pense à Trafic aussi. Oui, peut-être, tout à fait. Ok, donc, ouf. Est-ce que le troisième cinéaste québécois que j'ai choisi va l'emporter? On va dans un style un peu différent, Nicolas Brault. Pour Squam, deuxième film, normalement une trilogie en tout cas, beaucoup sur le corps à la fois dans l'abstraction, mais quand même dans des choses. On peut se poser la question justement là de la matière. Au niveau de la texture et de la matière, c'est sûr que c'est un film extraordinaire à ce niveau-là. J'ai eu la chance de le voir en salle, donc en 3D. Au niveau de la 3D, c'est vraiment un des rares films avec peut-être. Je ne sais pas, Pina de Wim Wenders qui m'a convaincu que la 3D, ça pouvait valoir la peine en salle. C'est une des plus belles expériences en fait, de 3D que j'ai pu vivre. Essentiellement parce que, justement, ça permet de mettre tellement de relief en fait, dans les formes qu'il fait. Ces espèces de moulages en sucre vers la fin du cours, quand on voit les deux visages s'approcher pour s'embrasser, je trouve ça tellement beau. C'est un film qui m'a beaucoup ému parce qu'il dit tellement de choses sur les relations, sur le désir, sur un peu aussi la chute, je veux dire, justement du désir, de l'amour, de tout ça, avec si peu. Dans son espèce de fond complètement décontextualisé, complètement noir, j'ai trouvé extrêmement maîtrisé. Film émouvant aussi. Ah, très émouvant, ouais. C'est l'effacement, le détachement, la reconstitution, tout ça est traité à partir de choses, encore une fois, assez simples. C'est un film extrêmement symbolique, mais d'un point de vue technique, épatant. Vraiment, c'est d'une beauté et d'une simplicité. C'est un film qui... Dans les tons de gris, blanc, noir, va provoquer une multitude d'émotions, ce qui me semble assez rare dans le cinéma d'animation, qui souvent, quand il est moins maîtrisé, disons, va servir un propos, un message, quelque chose de très clair, de très didactique. Ici, non, on est dans l'expérience humaine quasiment complète. Il y a quelque chose de vraiment très émouvant derrière une technique qui pourrait là aussi parasiter et qui pourtant non pas du tout finit par symboliser, métaphoriser quelque chose de très beau, de plus grand que lui, qui m'a beaucoup plu. Alors, moi je l'ai pas vu sur grand écran. Hein. Oui, je l'ai pas vu sur grand écran. Et pas en 3D non plus. J'aime assez en fait. Ce que j'ai vu m'a plu et je vais pas en parler trop longuement, mais je suis assez d'accord avec vous en fait. Le film est assez intéressant. Bon, quasiment 3 sur 3 pour les cinéastes québécois. Bravo à eux. Allez, on va prendre et après je vous laisserai juste quelques noms qu'on tournait dans d'autres festivals et qui sont un petit peu, en tout cas, qui ont vraiment très très bien marché, qui sont Uncanny Valley de Paul Weininger sur la Première Guerre mondiale, cet homme qui... En pixilation, enfin un peu étrange, ouais, une technique un peu étrange. Ah, le film est super touchant, très très beau film. Formellement intéressant, c'est sûr, mais vraiment touchant. C'est un sujet que j'aime bien, qui m'a fait penser à Tardy, évidemment. Excellent film. Vraiment très, très, très, très étrange, mais excellent. Et très belle finale aussi. Film dans lequel j'ai eu du mal à rentrer. Il y avait un aspect un peu jeu vidéo je ne savais pas trop quoi en faire, jusqu'à la fin, où il y a ce twist narratif qui est extrêmement intelligent et qui vient faire réfléchir toute l'histoire de l'humanité, finalement, où est-ce qu'elle est, dans quoi elle se niche. C'est un film beaucoup plus intelligent que ce que le début pourrait laisser penser, qui laisse penser à un film de guerre, traditionnel, on va dire. Un film à voir deux fois, oui. Ouais, je vais m'abstenir parce que c'est un des films que j'ai raté. D'accord, ok. Donc... On s'arrêtera là sur Uncanny Valley, toujours dans la même, puisque c'était cette grosse séance aussi avec pas mal de choses qui était à Annecy, un film qui évidemment fait beaucoup parler de lui, le film de Rio Hunt, The Master, qui est un gros morceau, qui est un film qui est à la fois pareil et très troublant dans son côté réaliste entre ce singe, ce chien, enfin voilà, et tout ce qu'il va développer entre eux. Est-ce qu'il y en a qui sont restés en dehors non. ou non, pareil, de tous les gros trois, vous avez... Gros coup de cœur, ça commence comme un jour de la marmotte hyper triste, en fait, avec un chien saucisse, ça a l'air complètement sorti de nulle part. Puis il y a une rupture de ton incroyable, le film se met à avancer ailleurs, puis finalement ça devient une réflexion sur la sauvagerie, la brutalité, l'animalité, l'absurde de la vie, le tragique de la vie. C'est un film qui, à partir de choses simples et qu'on a l'impression d'avoir déjà vues, va nous emmener incroyablement loin, va dire des choses extrêmement profondes sur la nature humaine à partir d'animaux. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment impressionnant. Je crois que Pierre et Mathieu sont d'accord, donc on va quand même leur donner la parole. Non, mais d'abord, le film est tiré d'une nouvelle que je ne connais pas. Le film est très littéraire, évidemment. On sent que c'est du lourd, quoi. C'est vraiment très, très, très profond. J'ai parlé du film avec plusieurs personnes et puis on avait des lectures très différentes. Mm-hmm. On l'interprétait de façon très, très différente. Et moi, j'ai trouvé subtil et intéressant. Et voilà. Il n'y a pas un côté un peu emprunté avant de donner la parole à Mathieu? Vous, non, vous n'avez pas... Ah, moi, j'adorais ça. J'ai vraiment adoré ça. C'est un film... J'ai essayé de le comprendre au départ. J'ai fini par me faire emporter un peu par l'affect pur que le film provoquait, parce que c'est un film qui fait très mal, je trouve, à regarder. Mm-hmm. C'est un très beau film de Noël, pourtant. c'est très bon pour les enfants. Oui, c'est ça. Ça fait... On reconnaît bien l'Europe de l'Est, ouais. Hein, ouais. Avec ce rapport à la violence infligeait des animaux, ce qui en fait, aide à un peu... pas nécessairement déconstruire la violence, mais à la mettre dans un contexte où on n'est pas nécessairement habitué de l'avoir représentée. Donc, ça fait... c'est vraiment un superbe film qui déstabilise énormément. Intéressant de signaler que l'Estonie est très dynamique sur le plan de l'animation. Ouais. C'est un pays qui fait beaucoup penser au Québec, en fait, culturellement un petit peu enclavé entre un pays frère, la Finlande, mais aucun rapport historiquement, et puis la Russie, puis les autres pays baltes. Et c'est un microbe démographique, un peu comme le Québec, mais très dynamique sur le plan artistique et puis sur le plan de l'animation, extraordinaire. Et notamment Volup Riohent, c'est étonnant parce qu'en effet, il peut passer de ce film-là, un film pour enfants, ah oui, et réellement pour enfants, donc c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez étonnant. Je pense que quand on connaît le cinéaste, c'est vrai que quand on commence à regarder le début, on se dit ouf, c'est encore un film, enfin voilà, ça va être beau, mais c'est encore un film pour enfants, ça va être un petit peu. Et puis en effet, le dérapage fait que je pense beaucoup on est emporté en se qu'est-ce qui est en train de se passer exactement et de ne pas comprendre. Je m'attendais pas du tout à ça. Ah, ce qui est en train de se passer. Les derniers films dont je vais vous parler avant qu'on parle de nos coups de cœur, le film bien sûr de Dan Hertzfeld, World of Tomorrow, pareil, on est dans les... Je l'ai fait exprès, là, on est vraiment dans les lourds, en tout cas dans les films qui ont marché, qui ont eu des prix un peu partout. World of Tomorrow. Comment ne pas aimer celui-là? C'est ça, exactement. Difficile. Là encore, je dirais que quand je regarde un film d'animation en général, j'essaie de pas faire attention à la drôlerie du film, parce que ça empêche de le voir pour ce qu'il est. Mais le film est très profond, en fait, malgré les apparences. Mmh. Alors, pour les fadas de science-fiction, le film est assez intéressant, parce qu'il prend totalement à contre-pied ces nouvelles théories totalement pseudo-scientifiques sur la transhumanité, etc., le clonage, et sur la possible immortalité de l'humain. Le film prend totalement contre-pied, tout simplement par le personnage d'une petite fille. Alors ça, le procédé n'est pas neuf, hein, mais le film est super. Ouais, il remet de l'humain dans la science-fiction, quoi. Il remet du cœur, il remet de l'humour, de l'amour. C'est un film incroyablement émouvant qui, à la fin, vient nous cueillir avec une finale qui est extrêmement émouvante, triste, belle. C'est là encore tout simple, vraiment. Une petite dessin, bonhomme allumette, une petite fille, avec cette voix incroyable qui vient nous toucher au cœur. Puis l'intelligence de la narration qui construit de petit à petit quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus grand que nous, effectivement une réflexion presque métaphysique sur l'avenir, sur qu'est-ce qui nous pend au nez, où est-ce qu'on va. C'est vraiment un grand film, puis on comprend pourquoi c'est un des gros poids lourds de l'année. Ouais. Dan Hertzfeld, l'indépendant américain. Oui, en fait, j'ai adoré aussi au niveau, ne serait-ce que de l'histoire. Il y a de l'idée dans ce film, comme c'est incroyable, au niveau des idées de science-fiction que le film propose. Il y en a plus dans World of Tomorrow que dans probablement la majorité des films de science-fiction qui sont sortis dans les dernières années. Là, je veux dire, il y a plusieurs idées là-dedans qui feraient des longs-métrages à Hollywood, à elles seules. Au-delà de ça, j'ai bien aimé... j'ai été assez impressionné par la capacité de Dertfeld, puis ça, c'est fidèle à sa réputation, d'être capable de faire tant avec si peu, dans mesure où est-ce que... au niveau de l'animation, déjà, c'est un peu des bonhommes allumettes. Sa représentation du futur est composée de formes abstraites sur des fonds mâts. C'est quelque chose de très audacieux au niveau formel. Puis c'est beau de voir que c'est essentiellement un travail de voix, d'écriture, de dialogue qui réussit à faire prendre corps à des univers que j'ai pas eu du tout de difficulté à m'imaginer. J'ai pas eu du tout de difficulté à croire à tout ce qu'on me racontait. Travail formel exceptionnel au niveau du son aussi. Vraiment un travail sonore vraiment remarquable. Alors, comme sur mon émission, c'est terrible, je vais déjà vous dire mes deux coups de cœur, moi, qui sont mes deux coups de cœur de l'année, et après, je vous laisserai là. C'est terrible, je sais, mais là, c'est ça d'être le responsable de l'émission. Mes deux gros coups de cœur de l'année que j'ai eu la chance de voir un tout petit peu avant les sommets, qui sont très, très bien représentés au sommet. Il y a le nouveau film de George Schwitzgebel, Le Roi des Zones, que je trouve absolument extraordinaire. Je trouve que là... On critique souvent George Schwitzgebel, vont dire il fait un peu la même chose. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose de sublime, la tension qu'il y a justement entre le père, le roi des zones et ce mélange. Enfin, moi, j'ai trouvé ça absolument bouleversant. Je vois que vous avez l'air plus ou moins d'accord. Il faudrait voir le film plusieurs fois de suite, au ralenti, en fait, parce que ça va très vite. Mais excellent film. Enfin, je veux dire, pareil, quoi. Enfin, on sent l'expérience. Et puis, là encore, un film d'artisan, très intéressant. Ouais. Pareil. Ouais, Hélène Madouet. C'est vraiment un très vous avez le droit film. De pas aimer, hein, c'est non, pas non, mais non, c'est un film très émouvant, ouais. Évidemment, onirique, cauchemardesque, qui passe de la joie la plus entraînante au noir le plus terrifiant. C'est vraiment un film très maîtrisé, ouais. J'abonde dans leur sens aussi. Puis Schwitzgebel aussi, c'est avec raison, c'est une sorte d'intouchable. Pour moi, c'est un peu comme Frédéric Bach. Dès que ce type-là se met à dessiner, il y a tellement de travail, il y a tellement de passion dans le trait, dans le dessin. C'est tellement finement travaillé que c'est difficile de ne pas aimer ce qu'il fait. Là. Et puis là, je trouve que justement, cette fois-ci, il y a non seulement ça, en effet, pardon, il y a tout ce travail. Et puis, il y a un rythme, il y a quelque chose qui, moi, me bouleverse à chaque fois. J'avoue, je vois le film. Un film un peu différent, c'est son second film, moi, mon gros coup de cœur aussi, après Londé, qu'il a coproduit ici même avec l'ONF, donc David Coccardasso, Periferia, un film où on rentre dans ces buildings abandonnés, ces chiens qui courent à travers. Moi, il y a quelque chose qui me trouble énormément dans le film et il y a une maîtrise en tout cas moi qui m'épate. Est-ce que ça marchait avec vous pas, Hélène? Un peu moins. Je le trouvais un petit peu long en fait. Ouais. Je trouvais que oui effectivement c'est impressionnant formellement, visuellement, mais je trouvais que narrativement il y avait peut-être un peu de répétition, un peu de lourdeur dans le dernier tiers du film notamment. Ouais. Mais sinon effectivement le propos et la forme sont très intéressants. Ouais. Oui, moi je suis d'accord. Je pense que j'ai plus aimé le film que toi. Hein. Moi, j'ai vraiment, c'était l'un de mes préférés aussi, la sélection. Hein. Je trouvais vraiment très, très, très, très bien, très intéressant, très original. Là encore, un film un petit peu à tiroir, parce que je pense qu'on peut avoir plusieurs lectures, hein, donc, comme une poupée russe. Très, très, très, très chouette film. Je ne connais pas du tout ce monsieur. Je ne sais pas ce qu'il fait d'habitude, mais vraiment à suivre. Deuxième cours, hein, après Londé, qui est visible sur Vimeo. Alors, moi, c'est un film que j'ai manqué aussi. Ah. Ça fait partie des deux, trois films. Des deux, trois qui sélection sont bons. Que j'ai loupé. Ouais. Ok, maintenant, je vous écoute. J'ai tout dit. On en a fait beaucoup déjà. Hein. On a pas mal pioché. Vos coups de cœur, Hélène? Moi, un coup de cœur pour un film dans la sélection Québec-Canada qui s'appelle Only Lovers Live to Die de Vladimir Kanitch. Un film vraiment bouleversant, tragique, en fait. Sur la forme, ça ressemble à du Jackson Pollock. Et on a une approche presque expérimentale qui est à l'écran, très beau, très troublant. Mais en contrepoint, la narration se fait en voix off et c'est une discussion d'amoureux qui va mal tourner, très mal tourner. Il va se passer des choses tragiques. Et je trouve que c'est un film qui, vraiment, en faisant se rencontrer une forme a priori, oui, mouvementée, chaotique, mais joyeuse aussi, belle, pleine de vie. Et cette narration plus mortifère, plus tragique, vient vraiment créer quelque chose de bouleversant pour moi. Ouais. Est-ce que l'un de vous deux l'a vu ou non, non, hein, c'était pas vu, dans non. Panorama Québec. Très, okay. Très beau film, vraiment. Merci. Donc, le titre, tu rappelles le titre, c'est... Only Lovers Live to Die. Merci beaucoup. Pierre, Mathieu, Pierre. Alors, mon coup de cœur à moi, c'est un film israélien, Tchad Gadia, de Nina Paley et Théodore Gray. Un film très intéressant, totalement intemporel, qui aurait pu être fait en 1960. Très drôle, en fait, malgré les apparences. C'est un exercice formel, évidemment, mais vraiment très, très amusant et surtout très impressionnant. C'est un film d'animation fait en broderie sur une serviette de table, sur une chanson traditionnelle. Qui est une allégorie en fait sur on va dire la violence de l'humanité et la violence du monde, mais le film est tout à fait décalé, très impressionnant, et en plus on peut le voir sur Vimeo librement, donc courez le voir, saisissez votre ordinateur. Ça s'appelle Tchad Gadia, C-H-A-D G-A-D-I-Y, pardon, excusez-moi, et A. Donc, film de Nina Paley, évidemment connu notamment, ouais, pour Sita, ouais, Chante le Blues. Exactement. Qui est aussi sur Internet. Oui, ben, vraiment un très, très beau film. Je, ouais, m'en allais aussi dire Tchad Gadia au niveau de mes coups de cœur. Sinon, un autre film que j'ai bien aimé, c'est It's About Time, qui m'a très touché. Donc, c'est essentiellement l'histoire, ben, en tout cas, ce que j'en ai compris, d'un vieil homme qui essayait de se lever chaque matin et qui se faisait toujours rattraper en fait, par la noirceur, qui a peur du noir, en fait, qui retourne se coucher, les jours sont de plus en plus courts, puis finalement, ben, il meurt, puis une belle séquence onirique à la fin où on comprend ça. C'est un film que j'aime beaucoup, l'animation de marionnettes, puis je l'ai trouvé très belle dans celle-ci, dans ce film-là. La poupée est très belle, hein? Oui, la poupée est très belle, j'aime beaucoup comment le fil de fer, par exemple, le personnage s'enroule du fil de fer autour de la bouche pour se tenir, donc j'aime justement quand les marionnettes, comme ça, nous rappellent qu'elles sont des marionnettes, hein, qu'elles n'essaient pas d'être autre chose. Puis, j'ai trouvé ça très beau au niveau, des costumes, au niveau des cadrages, tout ce que le film, c'est un court film là, de 6-7 minutes, puis que j'ai un peu interprété comme un film sur la fin d'une vie. Puis par rapport au titre aussi, It's About Time, je trouve ça beau aussi. C'est un peu d'être parvenu à saisir ce moment où quelqu'un peut se dire, oui, tu sais, il est temps rendu là, je veux dire, de trépasser. C'est assez triste, assez sinistre, mais c'est très bien fait, très émouvant. Un coup de gueule. On le fait pas tout le temps en bulle de rêve, mais de temps en temps, il y a des gens qui peuvent dire, je comprends pas que ça soit dans le comité. Marco est pas là, il entendra ça plus tard. Donc, Moi, j'irais vraiment avec The Race. Ouais. Ouais, The Race. Ouais, on était pas mal d'accord. On en parlait tout à l'heure. Un film avec des cercles, hein, et qui nous amène dans. Un bel exercice de style. Ouais. Mais... C'est un peu creux quand même. Ouais, hein. C'est ça. Alors ça a l'air profond, mais en fait c'est très creux. Ouais. Le film était aussi à Annecy, avait été aussi sélectionné à Annecy. Ça fait un petit peu exercice de style. Ouais. Carte de visite d'un cinéaste qui veut travailler ailleurs. Enfin, mais. Bon, une musique, voilà, là aussi très grandiloquente, plus grande que nature, puis cette évocation de Terrence Malick qui est peut-être un petit peu lourde, un peu trop marquée. Effectivement, moi aussi, par rapport au reste de ce qu'on a vu, c'était un film qui me semblait un peu artificiel, préfabriqué. Ouais, c'est très en surface, puis non seulement c'est très en surface, mais c'est à cause de cette musique pompeuse et de ses formes et tout ça, c'est un peu pédant, je trouve, comme film. On a un peu l'impression d'être face à un cinéaste qui a l'impression d'avoir découvert le nombre d'or en nous disant, tu sais, il y a des cercles partout sur Terre, puis je vais vous montrer ça, puis on va faire un gros trip psychédélique. Puis, finalement, c'est pas très audacieux, puis c'est un peu plus pédant qu'autre chose. Tout le monde peut pas faire, en effet, Malick ou Koenigskatsi. Non, c'est ça, exact. Heureusement, j'allais dire, mais ouais. Voilà. On a fait un bon tour, on va dire. Vous, comment vous voyez le... Pour terminer, on n'a plus beaucoup de temps, mais justement, cinéma québécois d'animation, je voulais faire cette émission aussi ici pour faire un petit point, pour voir à quel... Enfin voilà, c'est quoi le cinéma québécois pour trois critiques, alors d'animation, mais d'animation aussi à l'intérieur, pourquoi pas, du cinéma québécois, de prise de vue. Enfin, Est-ce qu'il y a un dynamisme aujourd'hui? Est-ce qu'on voit des... Tu sais, il y aura Joël Vendré, est-ce qu'il y a des nouveaux noms qui viennent? Enfin, comment vous le voyez, en Hélène? Court-métrage, oui. Oui, en court-métrage. Bah, ouais. Il y a Bouchard, il y a Nicolas Brault, il y a Joël Vaudreuil, il y a toutes sortes de jeunes cinéastes québécois qui assurément marquent le paysage du cinéma d'animation québécois et mondial. Maintenant, moi, ce que j'aimerais voir, c'est la traduction en long-métrage aussi de ces univers-là. La guerre des Tuques suffit pas. Non, la guerre des Tuques suffit pas. Non, mais on sent qu'il y a une ouverture, que ça commence. On sait que ça coûte excessivement cher de faire un film d'animation long métrage, mais par contre, vu la qualité de ce qu'on est capable de faire en court métrage, j'ai très très hâte qu'on puisse avoir la même chose accessible à tout le monde dans les salles. Mathieu, oui, ouais. Tout à fait d'accord. Je crois que c'est malheureux, mais la réalité du marché étant ce qu'elle est, distribuer des courts-métrages, c'est assez compliqué. C'est compliqué à diffuser. Donc, je crois que de passer du court au long, ou peut-être ne serait-ce qu'au moyen, peut-être, pour permettre des programmes doubles, je ne sais pas, ça pourrait permettre une diffusion plus facile dans les salles. Je crois que c'est vraiment ça qui manque, parce que la vitalité de l'animation au Québec, c'est clair qu'elle est là, qu'elle a toujours été là depuis qu'elle existe. Puis ensuite, ce qui est très fort aussi, je dirais, c'est par rapport à tout ce que l'ONF permet de faire. On en a parlé là, plusieurs fois durant l'émission, de la cohérence qu'il y avait dans les œuvres de l'ONF. Puis c'est cette cohérence-là qui est vraiment au niveau plastique, mais aussi au niveau des discours, elle est assez phénoménale, parce que ça fait qu'il y a des films, justement, en fait, ça crée une école de cinéma d'animation, je trouve, qui, à l'image, par exemple, de Squam, réussit à produire des œuvres conceptuelles qui sont non seulement très belles à regarder pour un public qui ne saurait pas nécessairement s'y retrouver au niveau des techniques ou des discours que le film pourrait avoir, mais aussi au niveau... ça fait des œuvres très intéressantes pour des gens qui voudraient creuser un peu plus dans ses œuvres. Donc, c'est un cinéma qui est vraiment adressé à un public très large, où tout le monde peut y trouver son compte. Puis, c'est clairement une des grandes forces de l'ONF. Donc, encore une fois, si on pouvait peut-être passer à un autre type de format, peut-être que ça aiderait un peu le marché. Pierre, pareil, le long, alors qu'on sait que le court, évidemment, c'est l'une des formes les plus importantes toujours aujourd'hui, ouais. Mais qu'en effet, les gens voient finalement peu de court. Tu disais tout à l'heure, Internet, évidemment, a modifié aussi la donne. Toi, tu vois ça mais comment? Moi, je ne suis pas un mordu des longs métrages d'animation. Enfin, je veux dire, quand ils sont bien faits, c'est très bien. Hein. Je veux dire, Miyazaki, c'est très bien. Et Avril ou le monde truqué, je ne l'ai pas encore vu. Je suis sûr que le film est très, très, très intéressant. Adama a l'air pas mal du tout, encore qu'il est en 3D. Je me méfie un peu, mais je suis plutôt amateur de court-métrage et je pense que le court-métrage devrait trouver sa place à la télévision, par exemple, si elle servait à quelque chose, ce qui n'est pas le cas, évidemment. Devrait trouver sa place peut-être, on va dire, en double programme dans les salles de cinéma, mais ça ne se fera évidemment jamais parce que... Voilà, mais donc moi je pense que malheureusement l'animation est condamnée à rester sur ce format, puis est condamnée à être destinée au happy few, quoi. C'est-à-dire que l'époque où l'ONF présentait ça dans les écoles, enfin voilà, qu'il y avait, ouais. Et révolue malheureusement aujourd'hui. Et, c'est-à-dire que c'est souvent pour les créateurs, c'est souvent un tremplin ou une forme de laboratoire, en fait. On ne peut être créatif qu'avec le court, souvent, qu'avec le format court. Bah, moi, je crois pas. Je pense qu'il y a des gens en animation, comme un Harry Folman, par exemple, qui sont capables d'être incroyablement inventifs et créatifs en long. Je suis sûre que les gens qui, en ce moment, sont en train de faire du court-métrage au Québec font la preuve que leurs univers sont incroyablement mûr et prêt, à mon avis, à être développé à des échelles un peu plus grandes. Oui, c'est la problématique qu'on subit en France avec, malheureusement, les échecs là, de Adama, d'Avril. C'est évidemment le coût qui fait que c'est aussi difficile de se dire que ça va coûter forcément quelques millions de dollars et qu'il va forcément atteindre un public quand même conséquent. En même temps, l'avantage du cinéma d'animation au format long, c'est qu'il est facilement exportable. Peut-être que là, ça peut être une voie de sortie là, pour ceux qui hésitent un peu là, à produire du long. C'est facile à doubler. Génial. Bah, merci beaucoup. Je suis obligé. Il y avait plein de pistes et on aurait pu repartir là-dessus. Hélène, Mathieu, Pierre, merci infiniment pour cette première à Montréal. Et on écoute un tout petit peu de musique. Je t'ai acheté un autre dauphin à la boutique de Bibelot. c'était le plus éclatant du magasin. Comme une étoile qui sort de l'eau, il n'y en a pas d'autres animaux qui soient aussi impressionnants. Il n'y en a pas d'autres qui sautent aussi haut en étant aussi intelligents. Je l'ai mis dans ma garde-robe avec les autres. Je l'ai mis dans ma garde-robe. Tu m'as acheté une autre licorne dans la section des souvenirs. C'était la plus élégante, c'était comme si elle voulait venir me dire que si ensemble les narvals et les chevaux faisaient des licornes en s'accouplant, on pouvait toujours faire quelque chose de beau avec les amours différents. Tu l'as mise dans ta garde-robe avec les autres. Tu l'as mise dans ta garde-robe. Mais ce qu'on cache un jour déborde à force d'emplir les garde-robes. Alors j'irai devant ta porte dans une scène de nature morte, couché par terre dans les offrandes, dans les bijoux et dans la viande, des fourrures de Shanghai, des tapis de Chine, des fruits exotiques et du steak, des fruits exotiques et du steak. Des fruits exotiques et du steak. Des fruits exotiques et du steak. Et derrière, sur un piédestal, à la fin de la scène finale, mon sac est plein jusqu'à rabord de dauphins multicolores. Troisième partie de Bulle de rêve, on enchaîne, vous avez entendu donc un morceau de musique, vous le savez, hein, je vous dis toujours tout, on est nous en direct, on n'a pas passé le morceau de musique, c'est un, voilà, et je vais le mettre après, donc je ne sais pas ce que vous avez entendu. Oui, je sais, Marco serait là, il m'engueulerait parce qu'il est très professionnel, il faut que tu... Mais c'est comme ça, ça fait partie du jeu. Je reçois Claude Cloutier. Bonjour Claude. Bonjour Alexis. Si je dis qu'il y a un côté Tex Avery mais en absurde dans tes films, ça va? C'est un compliment, oui, j'apprécie. Ouais. C'est gentil, merci. Il y a ce sujet tout à l'heure, les trois critiques qui étaient là ont dit plein de bonnes choses sur Autoportrait, le dernier film, okay. Qui était l'un des plus gros succès pour l'instant en festival, même si Isabelle au bois dormant quand même. C'est un film qui est bien sélectionné à date, qui va dans les festivals importants, et ça me fait plaisir. C'est pas un film qui a gagné des prix encore. C'est le côté un peu décevant, mais il est tellement sélectionné partout, puis j'ai eu des invitations à plusieurs endroits que bon, il fait son travail, c'est bien, j'apprécie. C'est quoi le parcours de Claude Cloutier? Vient d'où? Ah, de Claude Cloutier, je croyais du film. Claude Cloutier, il vient de Montréal. Donc mon parcours professionnel, moi j'étais plutôt un illustrateur au début après mes études. En fait, j'ai étudié en art graphique et j'ai fait de l'illustration et j'ai fait de la bande dessinée. Après, pour faire du cinéma d'animation. Parce que mon but premier, c'était de faire du cinéma d'animation. Mais je ne croyais pas que je pouvais y arriver en allant cogner à l'ONF puis dire je veux faire des films de cinéma, je veux faire du cinéma d'animation. Alors, j'ai pris un moyen détourné et ça a très bien fonctionné, en fait. Le cinéma d'animation, c'est aussi Montréal, c'est l'ONF. Tu découvres ça assez jeune. Oui, moi, je découvre ça jeune, c'est-à-dire dans les années qui ont suivi l'exposition universelle de Montréal, l'Expo 67. Ils ont préservé sur le site de l'exposition des pavillons, en fait. Et dans un de ces pavillons, il y avait des projections. C'est le pavillon de l'ONF, en fait. L'ONF a récupéré un de ces pavillons qui était vide. Et donc, c'était le cinéma, tout plein de films de l'ONF qui roulaient en boucle toute la journée. Alors, j'ai été en contact à ce moment-là. J'avais peut-être 15-16 ans. J'ai été en contact avec le cinéma de l'ONF, donc des documentaires, mais beaucoup de films d'animation. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait des films d'animation qui n'étaient pas des cartoons américains, qui n'étaient pas des séries ou qui n'étaient pas des films de Walt Disney, qui étaient donc toutes des démarches d'illustrateurs ou d'artistes graphiques très personnels, très différents. Et c'est ça qui m'a intéressé, en fait, avec, à ce moment. Donc, dès le premier film, 88, Le Colporteur, avec déjà, il y a toujours cette critique évidemment sous-jacent de la société, mais tout en ayant un style et un film qui se veut aussi humoristique. Oui. Il y a toujours, depuis le début, en fait, depuis Le Colporteur, il y a ça. Oui, possiblement. Peut-être que tu vas plus analyser cet aspect-là de mon œuvre, mais effectivement, je regardais rétrospectivement mon œuvre, et puis il y a ça, il y a comme une moralité ou une critique. Critique, mais encore une fois, qui ne se veut pas lourde, qui ne se veut pas regarder. Non, parce que je ne crois pas que c'est une bonne façon de le présenter. Je pense qu'il faut amener le public ou il faut l'endormir peut-être par un système. Il faut peut-être lui passer le message sans qu'il s'en rende compte. Je ne sais pas. C'est ça la mécanique de mes films. Il faut utiliser en fait ce qu'il utilise à la fin dans Le Colporteur et on se rend compte qu'évidemment ce personnage qui vend des parapluies fait lui-même la pluie pour obliger les gens. Et en fait, il y a déjà une critique même encore peut-être plus forte parce que plus sous-jacente de la société de consommation et qu'on se fait quand même pas mal avoir. Quoi. Oui, tout à fait. Oui, oui j'aime. C'est vrai. mais je le réalise en fait, tu me dis ça, et puis je n'avais pas fait ce lien-là avec le dernier film, en fait, qui est tout à fait très près au niveau de l'esprit. Ouais. Il y a déjà des voitures, il va y avoir dans quasiment tous les films, c'est une obsession les voitures. Je pense que oui, je peux le dire après coup, mais ça ne le sera probablement plus, parce que j'ai pas tellement apprécié dessiner que des voitures pendant les dernières années de ma vie. Et je trouve ça difficile. Et, espèce d'apothéose. Oui, mais c'est sûr qu'il y avait un intérêt pour les voitures. Un intérêt qui est... On a l'impression que c'est les deux, c'est visuel, c'est pour le symbole qu'ils représentent. Je ne sais pas si ça vient du fait que j'étais un automobiliste frustré. Ça fait que j'ai eu ma première voiture à 35 ans. Et c'était peut-être un rêve de jeunesse. Et puis... Et mais je pense que j'ai les chromosomes de petit garçon, en fait, le fait de s'intéresser à la mécanique et tout ça. Donc, je trouve que c'est aussi... mais c'est un objet révélateur de la société. C'est vraiment historiquement. Puis aussi, c'est un représentant de classe sociale. Il y a plein d'aspects intéressants, mais c'est beaucoup l'objet. L'objet, c'est une sculpture aussi. C'est... Il y a des autos très laides, il y a des autos très belles. Puis ça, je trouve, je pense que j'ai une fascination pour ça, oui. Il y a en 95 un film, c'est drôle parce que quand on regarde, je ne m'étais pas rendu compte de ça, la collection Droit au cœur, on a l'impression que les films correspondent quand même aux messages qui sont déjà passés dans les films d'avant. J'interviewais Michel Cournoyer, je trouvais que voilà, c'est une fille qui n'arrive pas, une jeune femme qui n'arrive pas à devenir artiste. Et toi, pareil, c'est le côté travail et le côté on ne va pas non plus... Enfin, ça ne peut pas être que le travail. La société ne peut pas être que le travail. Oui. Moi, je crois à cette, en fait, relation entre... la corrélation, en fait, entre l'artiste qui a fait un film sur Droit au cœur et le sujet, parce qu'on avait des choix, en fait. Vous avez d'accord. On avait... je ne sais pas combien il y avait d'articles sur cette loi-là, sur les droits au cœur. Je pense qu'il y avait 26 ouais. Cas de figure, puis on choisissait... Le droit qu'on voulait illustrer. Ça fait que moi, j'ai pris celui-là qui me semblait à propos... justement, là, c'est de l'ordre de l'inconscient, probablement, mais c'est intéressant de faire le lien après coup. C'est très intéressant, le début du film. On a cette... moi, je ne suis pas papa, mais j'imagine bien, et ça fonctionne très bien, parce que c'est assez doux de voir cette mère qui voit son enfant, en fait, qui projette tellement... À force de vouloir projeter, elle va l'obliger en fait à répondre finalement à sa propre vision. Mais c'est ce qui arrive souvent quand on pousse notre enfant. Mais en fait, on veut réaliser un rêve au travers de notre enfant par procuration. C'est un phénomène assez courant, je pense, dans la société actuelle. Ouais. Et comment on passe de ça, qui est déjà un peu une commande, à quelque chose que moi je ne connaissais pas, qui s'appelle Une minute de science? S'il vous plaît, donc il va prendre 98-2000 et il y a plusieurs petits. Comment petits on pense films. C'est un intérêt aussi. Moi, j'aime bien la science, j'aime bien la technologie. Puis là, j'avais. C'est un terrain hyper intéressant pour moi. L'idée aussi de faire des films très rapidement. Faire une minute en un mois et un mois et demi, ça, c'était intéressant pour moi qui travaille surtout sur des longues périodes. Donc, il y avait l'idée de produire rapidement, puis il y avait l'aspect humoristique qui m'intéressait, puis le défi d'expliquer des choses quand même assez complexes en très peu de temps. Donc, ça, c'est le challenge, là, c'est le défi. Donc, beaucoup d'intérêt à faire ces trucs-là et beaucoup de plaisir à les réaliser, ouais. Ça fait du bien quand on vient d'illustration, même si ça prend évidemment beaucoup de temps, l'animation c'est long. Donc ça c'est vraiment important, ça fait du bien de se dire allez je vais faire un film, mais encore une fois il y a un challenge, mais je suis obligé de le rendre de toute façon à telle date et puis faut que je passe à autre chose. Moi je trouve ça intéressant. Plus on a de temps, plus on en prend, alors les délais c'est pas mauvais des fois. Même si des fois ça peut prendre du temps parce que je vois une collègue de l'ONF qui se marre, qui me connaît bien et qui sait que tu prends pas mal de temps. On est parce qu'on est 88. Je l'ai pas fait parce que le colporteur c'est 88. Il faut attendre 7 ans. Oui. Pour avoir overdose 95. Ok. Overdose 95, après t'as... Et ensuite on a donc les 1 minute de science, les 98-2000, et là on va arriver à 2000, à du Big Bang. Ouais, ok. Un mardi matin. Oui. Donc, mais c'est un peu normal, enfin j'avais Amanda Forbis et Wendy Tilby, elles aussi apprennent 6-7 ans, même un peu plus pour faire des films. Mais disons que il y a un chevauchement entre les minutes de science et la production du Big Bang. Du Big Bang. Big Bang, c'est une suite logique à une minute de science. On est dans la science et là, d'un seul coup, c'est vraiment... J'ai toujours aimé l'évolution, l'aspect scientifique. Puis les personnages de ce film, qui ont l'air ils sont exacts au niveau historique, en fait, à l'époque où j'ai fait le film. Puis ils ont probablement trouvé des maillons manquants entre des espèces aujourd'hui. Mais en 2005, c'était l'aboutissement, les plus récentes découvertes. Donc, les chaînons, les maillons qui partent de l'histoire des bactéries à l'être humain, elles sont scientifiquement plutôt exactes. C'est pour ça que ton trait, visuellement, là, on a plus de détails que dans les films avant. Là, on passe dans un autre... Il y avait le défi d'être rigoureux, en fait, d'avoir une certaine rigueur au niveau scientifique. Tu sais, c'était le défi que je m'étais imposé à ce moment-là. Est-ce que l'homme est... c'est la question, là, on vient d'un seul coup. Il y a une question, c'est un peu plus... Est-ce que l'homme est, je sais pas, est une espèce maudite ou une espèce en tout cas qui va, parce que j'ai l'impression que dans les films quand même, et notamment celui-là. Mais je veux montrer les liens de parenté en fait avec tous les organismes vivants. Et l'homme est pire ou meilleur, non. Il est la suite logique de la création, en fait, c'est assez vague, hein, assez vague. Sauf quand tu regardes je le me comprends pas tellement. si, c'est compréhensible, mais sauf que dans le film, il y a une évolution et tout le monde va dans cette évolution, alors que quand on arrive à l'être humain, il se massacre ou alors il finit dans sa voiture encore. J'aime l'ironie, en fait. C'est de raconter 4 milliards d'années d'évolution pour aboutir à assis dans un automobile, dans un bouchon de circulation, je trouve l'idée plutôt intéressante. Je me dis, tout ça pour ça. Donc on en revient quand même, il y a un petit côté... Ouais. Ensuite, on avance un petit peu. Alors en plus, c'est ça qui est étonnant, c'est le jeu, on en parlait tout à l'heure, parce qu'on commence vraiment sérieusement dans du Big Bang. Enfin, on a vraiment l'impression justement d'un... presque, alors là, pas presque, puisque comme tu le dis, d'un documentaire scientifique. Et ça change un tout petit peu et il y a un vrai travail de rythme. Oui. Ouais, il y avait un storyboard qui était très... Très rigoureux, oui. Puis une des particularités de ce film, c'est que j'ai voulu en faire un clip, en fait. Donc, la musique était importante pour la construction du film. Donc, chaque transformation correspond à un rythme... À un moment fort de musique. Donc, c'était... Et j'ai choisi d'illustrer tout l'aspect sonore par des instruments de musique. Et je le regrette un peu, je te dirais, parce que je me suis enlevé tout l'aspect de conception sonore qui aurait pu donner une qualité de réalité un peu plus. Moi, je trouve qu'il y a comme une espèce d'abstraction dans l'illustration sonore ou musicale dans ce film-là. Mais je le regrette aujourd'hui, mais c'est ce que je voulais à l'époque. Je trouve l'idée intéressante. Je voulais l'essayer, mais je pense que j'aurais donné un peu plus de présence aux actions si j'avais eu des frottements de tissus ou des trucs très terre à terre qui aurait donné une espèce de réalité au film. Est-ce que la musique est vraiment importante dans tous tes films? La musique est superbe. Et puis je voulais pas altérer cette musique superbe, mais je pense pas que ça a servi le film, ce choix-là. Mais c'est facile à dire après. T'sais, quelques années après, on dit j'aurais dû faire ceci ou cela. Sauf que le film a plutôt aussi là, pas mal marché. En tout cas, il y a eu pas mal de festivals. Moi, je suis. Oui. C'est assez bien. Ce niveau-là. 2007, donc Isabelle au bois dormant. On est complètement dans le côté décalé et absurde. D'un seul coup, on a l'impression que c'est presque pas une. Il est entre du Big Bang et la tranchée qui va être beaucoup plus dure. C'est presque un bol d'air, un petit peu, même s'il y a des petites critiques évidemment dedans, toujours. Mais... Oui, mais ça, c'est. Ouais, ça, c'était un but. Je voulais faire un film rigolo. Je voulais m'amuser. Puis je voulais essayer d'amuser les gens. Puis. C'était amusant à faire aussi. Je reviens sur Texas. On est presque plus dans le cartoon, on disait, mais dans un cartoon, encore une fois, un peu décalé, j'en suis absurde, les Monty Python. Il était important pour moi de... Je voulais travailler, en fait, avec ce film-là, un système d'humour qui est basé sur la réalité ou le décalage entre la réalité et les excès du cartoon, en fait. Mais pour moi, le référent, c'est-à-dire que pour moi, que quelque chose d'absurde se produise dans la réalité est beaucoup plus intéressant que si elle se produit dans un monde imaginaire. Alors, c'est pour ça que j'ai des décors quand même assez réalistes. Là, j'ai des automobiles, des arbres. C'est la réalité, c'est très près de la réalité. Et les personnages ont un style de schématisation qui est quand même près de la... assez réel, en fait. Et les trucs qui arrivent là-dedans, ils sont absurdes, là. C'est comme... Donc, je voulais jouer avec cette espèce de contraste-là. Je me disais, en revoyant le film, tu avais une liste de choses absurdes qu'on voyait, parce que j'avais l'impression que le film aurait même pu continuer avec des choses encore un peu plus... En fait, c'était l'avantage d'avoir un espèce de concept très simple. Tout ce qui se passe dans ce film-là, c'est qu'il y a une fille qui dort, puis on essaie de la réveiller, en fait. Et là, ça permet toutes les variables possibles. J'aurais pu, oui, effectivement, en faire trois films avec le même sujet. Puis c'est un peu le principe des cartoons, des Bugs Bunny et autres, où la quête simple, c'est attraper un oiseau ou attraper un lapin. C'est très simple, mais il y a des variables à l'infini, en fait. Fait que c'est un peu ça, ce concept de la femme qui dort et qu'on essaie de réveiller, ça permet beaucoup, beaucoup de choses. Et comme moi, je me permets tout, en fait, parce que j'accepte, j'impose l'absurdité. Mais c'était très amusant. Puis ça m'a permis aussi de, en cours de processus, le processus est très long pour un film comme ça, ça m'a pris plusieurs années, ça me permet d'improviser un peu, de trouver des nouvelles scènes à la toute fin du processus de création, en fait. Au dernier mois de production, ouais. c'est ce que je veux dire. C'est vrai, Oui, j'ai trouvé des blagues du film à la toute fin. J'en ai trouvé au début, donc en cours de production. Ça fait que cette structure-là m'a permis de le faire, en fait. Je demande beaucoup à chaque fois. On va croire que, après, que je veux absolument dire plein de choses trop gentilles sur l'ONF. Mais est-ce que ça, c'est aussi une manière de produire? L'ONF peut permettre d'avoir une plus grande liberté, on va dire. Oui, mais moi, ça, je ne me gênerais pas pour dire beaucoup de bien de l'ONF parce que j'en ai profité beaucoup. Puis oui, effectivement, c'est ce que l'ONF peut peut-être offrir de plus précieux, en fait. C'est une liberté de création et c'est du temps aussi de production. Ouais. On accepte à l'ONF qu'un réalisateur va prendre tant de temps et qu'il va un peu explorer. Et on lui demande carrément d'explorer. Alors le temps passe vite et il faut absolument parler de la tranchée. C'est aussi parce que ça vient de tôt ou est-ce qu'il y a des gens autour qui disent, tiens, est-ce que tu veux changer de... C'était un film de commande, en fait. C'était à la base, c'était supposé faire partie d'une collection de 11 films sur la Première Guerre mondiale. Donc, ça devait être dans le long métrage 11, c'est ça? Oui, non, exactement. Okay. Oui, c'était... Donc, nous, on a été de l'avant avec Marc Bertrand, le producteur. Et puis, la collection, en fait, a stagné un peu à ce moment-là. Je ne crois même pas qu'elle est encore produite. Pas à ma connaissance, ça ne se fera pas. Alors, nous, on est allé de l'avant avec... On avait un projet, puis le projet, à la base, devait durer 3 minutes. C'était pour une longueur de 3 minutes et demie, à peu près. Puis, on l'a doublé. J'en ai fait un film... isolé, en fait, un film à part entière. C'est important de partir de l'image d'archives aussi? Ben, c'était mon intérêt à explorer ce monde-là. C'est le paradoxe, en fait. Contrairement au film Isabelle au bois dormant, où j'ai souffert beaucoup, là, parce que c'est difficile, en fait. J'ai eu beaucoup de... C'est un film exigeant, en fait, et c'est une comédie. Alors, c'est très dur, alors que mon film de guerre, qui traite de la mort, et était tellement agréable à faire. C'était le bonheur total, parce que je faisais de la rotoscopie. Je m'éclatais avec le pinceau, puis l'aquarelle, puis je l'ai fait rapidement, en fait. Et puis, c'était un vrai bonheur de faire ce film. Donc, c'est vrai qu'on dit que la comédie est plus compliquée à faire que le drame. Oui, moi, je crois ça. Ouais, vraiment, oui, vraiment. Les gags sur Isabelle au bois dormant, tu les testais sur toi? Il y avait des gens de l'ONF, tu disais, tu trouvais ça drôle? Oui, il faut. Et on oublie l'impact du gag. Quand ça fait un mois qu'on travaille sur la petite scène, on la voit plus. Là, on ne sait plus si elle fonctionne encore parce qu'il y a l'usure. Alors, il faut aller vérifier auprès de collègues et des gens qui travaillent autour. C'est aussi un avantage de l'ONF. Alors que la tranchée, on a quelque chose de fort. Évidemment, on sait, si ça marche, évidemment, ce soldat canadien qui va, voilà, ouais, sur le, va toucher les gens. En plus, ouais, le parallèle évidemment qui est fait entre sa vie qu'il a laissée. Oui, ouais, voilà. Puis ben, ça vient aussi d'une anecdote personnelle, c'est-à-dire que mon grand-père a fait la Première Guerre mondiale, puis il avait les pieds plats, donc il aurait pu être réformé facilement, mais lui voulait absolument y aller. Donc je me disais, il devait vraiment s'emmerder au Québec, là. Il devait vraiment, il devait avoir besoin d'aventure à ce point-là. Et c'est un peu comme ça qu'on présentait la guerre pour recruter, en fait. On disait, venez voyager, allez en Europe, voir du pays. C'était ouais, le moyen de l'époque pour convaincre. Pour envoler, là, mais, ouais. Presque dernière question, parce qu'il va falloir encore une fois qu'on arrête. C'est la chanson. Il y a un côté très pessimiste dans. Avec la cette chanson qui dit on peut pas voir l'avenir et qu'on a besoin de voir l'avenir, justement, au contraire, ouais, ça devrait être l'inverse. Ouais. Ben, c'est la. En fait, je voyais plutôt l'aspect. C'est vrai que c'est assez pessimiste après coup, mais c'est une chanson hyper optimiste, ouais, trop optimiste, insouciante. C'est ça, donc ouais, c'est l'insouciance, en fait. C'est un symbole d'insouciance. Et je trouve que c'était le meilleur véhicule, sans jeu de mots, pour illustrer l'attitude des gens envers le futur, envers la détérioration de la planète. C'est de l'insouciance. C'est pas notre problème, en fait. Tout ça, encore une fois, amené en plus dans un ballet. Oui, là aussi, j'essaie d'utiliser l'humour ou la. Oui, essayer de détourner le sujet fondamental, en fait. C'est une espèce d'illusion que tout va bien, en fait. On est sur Radio Libertaire, j'ai l'impression que c'est. Peut-être pas à part Franck Dion, mais t'es l'un des réalisateurs qui correspond presque le mieux à l'idée anarchiste, je sais pas, mais en tout cas, voilà, d'utiliser aussi l'art tout en rigolant, ouais, tout en ayant un ton des fois léger, mais quand même de dire ça va pas, quoi. Oui, ben ça me fait plaisir, ce que tu me dis. J'avais une autre question et elle m'est complètement échappé, juste au moment où j'ai dit, ça m'arrive de temps à autre. Bon, ok. Est-ce que tu veux que je réponde d'autre chose? Ouais, ça serait pas mal. si je sais, en plus, je voulais pas en parler parce que j'en parle assez rarement des récompenses, ce genre de choses. J'ai juste trouvé ça drôle à la fois. Félicitations, même si, comme le dit Ryan Larkin, je crois, dans le film de Chris Andrade, il dit on est tous nominés aux Oscars une fois de temps à autre. J'ai juste trouvé ça drôle que ce film, qui n'est pas une critique des États-Unis uniquement, mais quand même une espèce de Cars, évidemment, à l'envers, soit nominé. Il n'est pas encore nominé. Il est dans la shortlist. Il est dans la shortlist. Voir tous les... Oui, oui, c'est ça. Donc, c'est excellent. Et puis, en même temps, je me dis que c'est tellement américain, ce qu'il y a dans le film. J'ai comme l'automobile qui est le symbole, l'automobile des années fin 50, là. J'ai la chanson qui est américaine. J'ai la forme qui est la comédie musicale qui est américaine. Je pense que les gens se reconnaissent. Les Américains sont capables de prendre la critique aussi. Ouais. En fait, moi, on s'est promené un peu aux États-Unis avec le film. On a vu que les gens aiment bien. Ça leur plaisait bien aussi, c'est ça. Ouais. Il y a un nouveau film en préparation? Oui. Ouais. Ouais. Et curieusement, après avoir dessiné de la mécanique pendant 4 ans, c'est hyper organique, là, mes dessins. C'est vraiment... des personnages qui sont des plantes qui deviennent des animaux. Et c'est une espèce de fable. Ça s'appelle Mauvaise Herbe. Et puis, je suis en production. Génial. Ben, hâte de voir ça. Ben, ça moi aussi, j'ai hâte de vous le présenter. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir. Merci, Alexis. Merci beaucoup, Claude. Au revoir. Et on va finir le marathon Bulle de rêve en direct, toujours. Enfin, en direct. Ici, on commence à avoir très, très faim. Il est 14h quasiment, on commence à avoir faim, donc là ils sont là. Et vous, il est quasiment 19h, donc voilà, je vais demander en effet à Joël et à Patrick, donc Joël Vendreuil et Patrick Lapierre, de venir. Je voulais avoir allez, pour finir, une petite... En fait, je vais tout vous dire. Normalement, vous auriez dû avoir tout cet état, parce que j'étais là, J'étais à Montréal, enfin, tranquille, et ils m'ont mis dans les pattes Franck Dion, oui. Alors que j'étais bien, hein, j'étais tranquille, je me suis dit, ça y est, je vais enfin passer une semaine, bien 10 jours, et Franck était là. Et normalement, on devait faire un mauvais gag, très stupide, français. Il devait être en fait un auteur québécois rare, méconnu, qui présente un film, et il devait s'asseoir autour de la table, et on devait parler, mais Franck doit encore dormir. Ouais, ben oui, faut dire la vérité hein, sur Franck, c'est toujours bien. Et je ne couperai pas évidemment ce passage-là. Donc voilà, tant pis pour lui, mais je suis très content évidemment. On aura un petit peu plus de temps pour parler avec Joël et Patrick. Alors Joël Vaudreuil, il est plus connu pour Le courant faible de la rivière, qui était à Annecy, et La vie magnifique sous l'eau, qui est son dernier film. Et Patrick Lapierre, il est plus connu pour un film qui s'appelle... Un film au nom très québécois, Cosmos Will Save the World. Le cosmos sauvera le peuple, en français. Je l'ai fait exprès de le dire en anglais parce qu'il est, il est en russe, en fait. Oui, c'est un film en russe. Okay, je ne sais pas comment prononcer le titre en russe. Ok, je ne sais pas. Mais ça ressemblerait à quoi, mettons, t'essaierais? Non, ça, c'est pas ça. Je voulais vous avoir parce qu'on parle beaucoup de l'ONF, on parle beaucoup de grosses structures, et je voulais savoir où on était un peu le cinéma... J'allais dire, on va pas parler forcément des films, mais le cinéma indépendant au Canada et au Québec surtout, est-ce qu'il y en a un pour vous, Patrick? Ben, il y en a certainement un parce que j'en ai fait un, il y en a d'autres aussi qui en font là, mais est-ce qu'il va bien? Oui, sûrement, parce qu'il y a pas ça, il y a pas juste l'ONF. Joël. Ouais. Ben en fait, moi je dois avouer que mes films indépendants ont souvent été aidés par l'ONF, par la bande. Il y a plusieurs structures qui peuvent aider les gens indépendants qui sont en panique en fin de processus. Puis l'ONF m'a aidé beaucoup, tout le volet post-production sonore, l'enregistrement de la musique, puis les mix. Puis c'est vraiment apprécié parce que souvent, des fois, c'est ça, il te manque le petit coup de pied là, que tu as besoin pour mener le projet à terme. Là. C'est là où moi j'étais surpris en arrivant, quand on voit de l'extérieur l'ONF à ce côté énorme. Et en fait, moi qui ai donc. J'ai passé 2 jours, je me suis rendu compte de la diversité qu'il pouvait y avoir à l'intérieur même, en fait, finalement, d'un studio, alors que d'habitude, ben, en France, on va avoir des fois des choses qui sont plus carrées partout dans le monde. Et là, j'ai l'impression qu'on peut avoir des styles de narration différents, des styles graphiques, visuels. Et c'est peut-être aussi pour ça que l'indépendance, finalement, est plutôt à l'intérieur, quand elle doit vivre, comme tu te dis, Joël, va plutôt à l'intérieur de l'ONF. Ben les projets sont menés, c'est comme ceux que j'ai faits, sont menés à terme chez nous là, donc c'est des films de faits dans des 4 pièces là, avec en pyjama beaucoup. Le pyjama puis seul, hein? Je pense que le pyjama, les vêtements mous puis l'animation, ça va te plaire en fait là. Puis je pense que ceux qui travaillent dans des bureaux comme l'ONF, ça doit être ça leur plus grande frustration. Non, mais tu sais, comme ça doit les aider moralement, en fait, de ne pas être en pyjama à l'année longue. Ouais, puis il faut se rendre là-bas aussi, ça prend du temps. Là. Ouais. Moi, je vais en vélo, là, ça aide beaucoup. Là. Fait que, comme Patrick est plus en forme que moi, juste à cause qu'il travaille. Ouais, c'est ça, juste à cause de ça, c'est pour ça. Vive l'ONF. Est-ce que vous considérez que vous avez un ton qu'un tout petit peu différent de ce qu'on a pu voir dans le cinéma québécois depuis un bout de temps? J'ai l'impression, quand j'ai vu vos 2 films, moi, je me suis dit, wow, je suis en train de voir... encore une fois, d'un peu différent, je reviens sur ce terme. Ben, c'est sûr que l'identité québécoise, on ne la transparaît pas vraiment à travers mon film, là, parce que j'ai fait un film russe, là, je ne sais pas pourquoi, là, mais j'ai fait ça comme ça. Mais ben, en fait, c'est surtout parce que c'est basé sur un fait divers que je trouvais super intéressant. Puis, ben, par souci d'authenticité, je l'ai fait en russe. Là, bon, parce que le cosmos, c'est un peu étrange, hein, ça, mais bon, c'est peut-être plus authentique parce que c'est en russe. C'est basé sur un fait divers... un grand moment de l'histoire humaine là, qui s'est passé au 20e siècle, je vais pas vendre le punch. Il est sur Internet, je le mettrai. Ouais, comme super. Ça. Les gens pourront le voir, en effet. Donc, côté identité... Mais toi, tu parles individuel ou genre québécois, mettons? Tu parles tu parles des réalisateurs ou parles de la communauté? Non, okay. Quand j'ai vu, je crois qu'esthétiquement, visuellement, même narrativement, j'ai la vie magnifique sous l'eau, ce film de 16 minutes, une espèce de document. Ouais. Enfin... En fait, moi, je pense que il y a autant de films que de réalisateurs. Enfin, dans le style, là, je trouve que c'est très différent. Puis comme pendant les sommets, on le voit, là, les programmes sont vraiment, vraiment variés. C'est sûr qu'il y a des courants, mais je ne sais pas à quel point le mien est plus particulier que les autres. Là. C'est sûr que moi, je trouve qu'il me représente bien. Mais je trouve que je suis peut-être un mauvais critique. Je suis pas très bon pour... tu sais, comme une fois que le film est fait, je suis pas la bonne personne peut-être pour le dire comment qu'il se détache du lot, parce que pour moi, il est vraiment... tu sais, je le connais tellement que c'est pas surprenant. Là, j'ai pas de surprise quand je le vois. Mais je sais qu'il y a, pour côté esthétique, par exemple, je sens que c'est ça, les palettes de couleurs très définies comme ça, ça détache là, quand même. Ça... Oui, mais alors peut-être, pour vous, il n'y a pas d'identité québécoise, forcément un film. Vous faites vos films sans vous soucier forcément d'être dans un... Ben, c'est ça, en autant qu'il nous ressemble, on le fait. Donc, quelque part, veut pas, ça va nous ressembler. Là, donc, je sais pas... Vous vous sentez pas ça, en tout cas. Je me pose pas trop de questions à ce sujet. Pour l'identité, je sais pas. Peut-être qu'il y a peut-être un peu de déprime associée à la température, des fois. J'ai l'impression il y a beaucoup de... Des fois, des trucs un peu... c'est ça, un peu triste. Mais je sais pas si c'est associé, je sais pas s'il y a une association avec les températures et les dépressions saisonnières. C'est vrai que on fait des films un peu gris. C'est vrai. Il y a une petite pointe d'humour, puis ça ressemble à l'espoir de l'été. Mais il y a tout autre humour. Je pense toujours à quand j'avais vu aussi au cinéma Carl Rosens, je chante au bord du lac, enfin, etc. C'est une espèce de le monde va pas bien, on le sait, mais on en rigole aussi, comme tu disais, c'est tellement des fois délirant que vaut mieux avoir ce petit truc d'humour. C'est une belle béquille. L'humour, c'est une belle béquille pour passer à travers tout ça. Dans ton dernier film, Le Vie Magnifique sous l'eau dure 16 minutes. Ouais. C'est un long film, court métrage. Est-ce que ça, c'est des choses qu'on réfléchit par rapport financièrement? J'ai respecté les deadlines que je m'étais fixé en pensant que c'était pour être un 10 minutes, mais le film, il fallait qu'il vive de cette longueur-là. J'ai essayé de faire une version courte, mais ça ne marchait pas, en fait. Là. C'est vraiment le film qui a dicté la longueur finale. Mais moi, je m'alignais pour faire un 10 minutes, puis... Une fois qu'il était animé, je me rendais compte que pour que ça marche, il fallait que les scènes aient le temps de vivre. Puis aussi, au nombre de personnages, il y a 125 personnages dans le film. Fait que pour s'attacher aux personnages, tu ne pouvais pas les passer trop rapidement. On dirait qu'on perdait le focus, en fait. Là. Ça faisait un peu un effet stroboscope s'il était trop monté, serré. Fait qu'en le laissant vivre, on dirait qu'on a plus le temps de comprendre toutes les actions qui se passent. Oui, puis les personnages, en effet, sont... poisson, homme en effet. Vraiment, on a plus de temps, comme tu dis, d'être avec l'un et puis comprendre finalement ce qui est sous-jacent. Ouais, exactement. Parler avec l'autre Cloutier, en effet, d'un seul coup, de dire tiens, je vais vous passer un documentaire. En fait, je vais vous parler d'autre chose. Ouais, exactement. Je fais une comédie musicale, je vais vous parler d'autre chose. Il y a vraiment cette. Mais c'est bien. Moi, ce que j'essayais de faire, en fait, c'est juste d'avoir le regard, un regard un peu plus détaché de ce qu'on voit au quotidien. Tu sais, c'est des trucs qui ne nous touchent plus vraiment parce qu'on le vit au quotidien. Puis en le mettant dans un contexte un peu. Je trouve juste ça drôle, en fait, que quand on regarde un documentaire animalier, tu sais, on est vraiment impressionné par un cocombe de mer, tu sais, mais que tu vois quelqu'un qui est dans la rue, puis que on le remarque même plus, en fait. Fait que je trouvais ça intéressant de le mettre en essayer d'avoir l'espèce de regard intéressé que moi je porte sur un documentaire animalier, mais sur des choses de mon quotidien auxquelles je porte malheureusement pas assez attention. Là. Je pense que ce que je voulais dire tout à l'heure, j'ai retrouvé, c'est alors, ne le prenez pas mal, c'est... Ça commence toujours bien. Oui, c'est toujours comme ça, on se dit, tiens, comment ça va se passer? Non, c'est juste que j'ai l'impression que l'histoire, l'univers que vous voulez mettre en place peut passer même avant l'animation. C'est-à-dire, l'idée n'est pas forcément d'avoir une belle animation, c'est pour ça que je parlais par rapport à peut-être d'un décalage aujourd'hui, de se dire, j'ai envie de raconter, il va faire 16 minutes, j'ai envie de raconter, ça va être un plan quasiment fixe, on va dire, et je vais jouer avec, et j'ai cette impression-là. Est-ce que... Bien, c'est sûr que l'atmosphère, pour moi, est super intéressante, là, mais l'histoire l'est tout autant. Là. Puis c'est sûr que, c'est ça, en regardant mon dernier film, ça dure 6 minutes, il ne se passe pas grand-chose, mais c'était vraiment pour mettre de l'avant l'atmosphère, pour que le spectateur aussi entre dedans. En fait, j'ai décidé de faire confiance aux spectateurs. Là. Puis ça n'arrive pas tout le temps quand on regarde le film sur Internet. Là. C'est pour ça qu'il est... En fait, c'est un film qui doit être vu en salle. Là. Ouais. Puis c'était ça mon but. Là. Mais je trouve que les techniques y aident aussi le propos. Tu sais, même si c'est des plans fixes ou comme moi, c'est de l'animation numérique, je trouve que c'est pas péjoratif, mettons, ou, tu sais, puis je trouve qu'il y a des films aussi que c'est des films de technique, il y a des films que c'est des prouesses techniques, puis des fois, tout dépendamment comme qui l'écoute, ben il y a des gens qui vont plus apprécier ça, tu sais. Fait, moi j'ai pas de préférence ou de, moi je travaille avec cette technique là parce que pour moi c'est celle qui me permet de raconter mes histoires, parce que si je faisais des techniques traditionnelles, les histoires que je veux raconter, j'aurais pas la forme, le talent de le faire, puis que ça soit aussi efficace et beau que ce que je fais en ce moment, tu sais. Donc c'est vraiment un choix. Je compliquerais pas la production d'un film pour avoir des critères certes, comme de production. J'aime mieux faire un film avec qui fait en sorte que le film est mené à terme. Et justement, c'était ça en fait mon propos peut-être. Ouais. C'était se débarrasser de la technique et d'être efficace. Mais justement pas efficace techniquement, être efficace en disant je veux que les gens comprennent mon histoire, mon univers, je veux, et moi au contraire je trouve ça même intéressant de se dire ouais. Je vais faire un plan fixe, puis ben les gens, on verra bien quoi, s'ils veulent rentrer oui. dedans, ils rentrent dedans, et pas forcément faire une belle anime, on parlait d'acting, de pas... Ouais. Mais en même temps, quand on regarde le film à Patrick, t'sais, on voit tout justement, je trouve que c'est un truc intéressant parce qu'on voit toute la technique qu'il y a derrière. Tu sais, c'est dessiné image par image à la main. Tu sais, c'est un plan fixe, mais c'est un plan fixe de 6 minutes qui a sûrement beaucoup plus de dessins que plein de films de 12 minutes. Tu sais. Oui, donc ça, c'est intéressant aussi parce qu'il y a une partie que quand tu es spectateur, c'est que tu es touché ou tu n'es pas touché, en fait. Puis c'est sûr qu'il y a des éléments techniques qui sont impressionnants puis d'autres qui ne sont pas, mais... En bout de ligne, c'est est-ce que c'est un beau film? Est-ce que ça te touche? Puis est-ce que c'est bon, tu sais? Bon, en fait, c'était surtout le souci de faire un vieux film. C'est parce que ça se passe en 1969. Puis là, j'ai essayé de reproduire un peu l'animation qui existait à cette époque-là, là, pour faire un film sans âge, en fait. C'était ça mon but. Mais probablement que le prochain, ce ne sera pas ça, parce que c'est vraiment trop de travail. Là. Vraiment trop de travail. Mais surtout, si je n'ai pas de bêtises, on est pas mal des fois en plan un peu large. C'est un plan large. On est d'accord, non, parce que d'un seul coup, c'est ça. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit pas. Il y a la technique, elle est là, mais tu mets pas le doigt dessus, quoi. Il y a pas un moment donné où on se dit, oh. Enfin voilà, la technique, on la connaît si on est animateur, si on est derrière, on se dit, oh, il y a du gros boulot. Mais si on l'est pas, finalement, on se pose pas la question. Ouais, là où ça. Des fois, on va voir un gros plan avec un beau mouvement de bras et on se dit, ah ouais, là. Ah oui, c'est ça. C'est ça un peu mon. Ça peut être un peu inutile, mais d'autant plus que maintenant, aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de raccourcis que tu peux prendre dans l'animant. Là. C'est le choix que j'ai pas fait ce choix-là. Je trouve ça intéressant, dernier, au contraire. Hein, mais c'est intéressant positif, parce que aussi, ouais. tu as plusieurs types d'écoute. C'est que les personnes qui vont voir le film à Patrick, ils vont avoir différentes. T'sais. Tu peux l'apprécier juste parce que c'est un bon et un beau film. Puis si tu t'es intéressé par la technique, ben, tu vois tout le travail qui est derrière. Fait que moi, je trouve ça intéressant qu'il y ait toutes ces lectures-là, en fait, là, sur un même projet. Je crois que j'essaie absolument de découvrir une image québécoise, en fait, quelque chose qui serait québécois. Et donc j'essaie de me dire, oui, mais est-ce que ton film, c'est pas ça juste pour pouvoir, en beau journaliste, avoir un truc? Et non, mais ça c'est intéressant. Il y a certainement des faits québécois qui se transparaissent à travers ça, mais ça, il faut quand même laisser aux spectateurs. Non, et puis c'est intéressant finalement de voir que, comme je disais tout à l'heure, la star québécoise du moment est Bulliard, c'est Théodore Huchet. Oui, oui. C'est vraiment et finalement, c'est pas inintéressant de se dire que c'est. Enfin, qu'il n'y a pas forcément une chose où on pointe du doigt en disant bah, ça c'est québécois, et que la seule chose, et en animation qu'on n'a pas tellement finalement, ça serait évidemment l'accent qu'on va dire, qui plaît chez Xavier Dolan par exemple, ce genre de choses. Moi, mais il y a ça chez les films de Joël Vaudreuil, en fait, là, son film précédent. Là, alors, dans le film précédent, il y a moins dans celui-là. Le parler est vraiment important. Ouais, là, c'est un narrateur, c'est une voix radio canadienne, c'est un narrateur. Qui fait de la radio beaucoup. Là. C'est le narrateur de mon film, c'est quelqu'un qui... Que tout le monde reconnaît. Oui, c'est ça. C'est comme ça. Une voix... C'est une voix un peu installée ici. Là. Fait que je trouvais ça drôle aussi de jouer avec ça, parce que les personnages qui ne parlent pas beaucoup, eux, ils sont très québécois, en fait, là, dans les poissons. Puis ils ne parlent pas beaucoup, mais quand ils discutent, on l'entend là, clairement que c'est des gens de quartier ouvrier avec des accents. Puis, Est-ce qu'il y a une... Pour finir, parce que là, on dépasse le temps, mais pour finir... On a faim. Non, je suis d'accord. Mais moi aussi, hein, j'ai faim, c'est terrible. C'est ça qui est bien qu'on est en émission dans le radio, c'est qu'il y a l'autre émission juste après qui me dit, bon, il faut que tu finisses. Et donc voilà, on va finir. C'est juste, c'est une question qui est à la fois simple et super compliquée pour la dernière, évidemment. Comment on se place quand on est un jeune réalisateur ici à Montréal? Est-ce qu'on a envie d'ailleurs de se placer quand il y a une tradition qui est très lourde de l'ONF, de grands noms, de McLaren, de ces gens-là. Est-ce qu'à un moment donné, on se dit juste, hey, on sait que c'est là, c'est super, mais il faut avancer ou on, ouais. Honnêtement, je ne me pose même pas la question. Ouais. Je ne sens pas de lourdeur de la part de l'ONF ou quoi que ce soit. Là. Je ne sens pas cette lourdeur-là. De la sens, non, toi, ouais, non. Non, moi, en fait, je trouve que juste le concept d'essayer de... que les projets avancent, ça occupe tout le temps. Fait qu'on n'a pas le temps d'angoisser. Ouais. On est déjà en train de développer des projets dans le futur. Puis de, c'est comme un milieu, il faut que tu sois tout le temps 8 ou 10 mois en avance là, sur ce que tu es en train de faire. Fait que il n'y a pas vraiment tant d'angoisse, on dirait. Ouais. De toute façon, moi, là, je suis rendu à l'ONF maintenant. Là, ouais. Ouais, donc c'est bon. Mais c'est... puis, j'ai pas le sentiment de j'ai aucune lourdeur. Là. En fait, c'est tout le contraire. Là. C'est très libérateur, c'est le fun de travailler à l'ONF. Mm. Puis comme il va en vélo, ben, tu sais, ça le garde ensemble. Et en plus, voilà. ça le garde en bonne forme. Patrick et Joël, merci infiniment d'être passés pour ce petit moment. Merci beaucoup. Je ne connais même pas le nom de mon réalisateur. Eric, ben, merci beaucoup. Eric, parce que ben, voilà, fallait tenir. On a une personne dans le public. Merci beaucoup. Et c'était Bulle de rêve, bien évidemment. L'idée, je l'ai jamais fait en public, c'était la première fois. Encore une fois, je vous répète, je suis ravi qu'on ait pu faire ça ici à Montréal. On se retrouve, nous, ben, la semaine prochaine, un peu exceptionnel, puisque un autre festival, cette fois-ci, on se retrouvera en Bretagne. Il fait froid aussi, un tout petit peu aussi. C'est un peu moins cool aussi là-bas. Ouais. On mange bien aussi. Non, mon bonjour, aussi, mais tu ne seras jamais invité, c'est tout. Tu viens de te griller définitivement, ouais, et tu ne seras jamais invité. Oh, t'as tort, parce qu'en plus, on mange des très bonnes galettes. Ah. Et puis, moi, peut-être que je me fais virer, parce que j'ai dit que c'était vrai. C'était n'importe quoi. Moi je trouve que c'est vraiment cool là-bas. Hein, voilà. Ah. Donc, vous avez compris, c'est Joël Vendrec qu'il faut inviter la prochaine fois. Et ça sera une émission aussi enregistrée. Merci beaucoup et à très bientôt. Bye bye. L'autre jour à Tokyo, il a fait plus beau qu'en moyenne partout ailleurs. J'ai enlevé mon manteau, il faisait moins chaud en dehors qu'à l'intérieur. Montez les fenêtres. Je ne faisais pas de bikini à Tokyo tout nu.